Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd. Pour rappel, c'est l'émission mensuelle où nous nous retrouvons entre passionnés de cinéma pour parler et donner nos avis sur différents films que l'on a pu voir durant le mois passé. Vous écoutez en ce moment l'épisode 22, enregistré le 29 décembre 2015. Je m'appelle Axel, je suis un des autres durant ce podcast, mais j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés mon co-hôte habituel durant cette émission, Morgan. Salut. Bonjour. Ça va ? Ouais, je suis un peu malade, je vous cache pas. Ouais. Là, j'ai eu 3-4 jours de bonne crève, donc vous allez m'entendre un peu renifler, c'est normal. Et puis j'ai un petit mal de crâne dû à une courte nuit et un abus de café, ça fait pas bon ménage, voilà. Ouais, c'est sexe, drogue et rock'n'roll. Plus drogue et rock'n'roll pour le sexe, c'est un peu le désert de Gobi en ce moment. J'ai à peine récupérer de ma maladie. Je suis encore un petit peu malade, mais ça va déjà beaucoup mieux. Ouais, déjà t'en avais parlé dans le précédent podcast. Donc du coup c'est toi qui m'as refilé ta maladie à distance. C'est ça. Ouais. Et maintenant du coup, enfin avec Skype, je sais pas si c'est possible de refiler la maladie, mais bon, voilà. Je vais vite rapidement vous expliquer le sommaire de l'émission parce que c'est un peu spécial. Vous le savez très bien que Star Wars épisode 7 est sorti, le réveil de la Force. Les habitués savent aussi que j'attendais le film très impatiemment. Petit à petit, plus la date approchait, plus mon envie de voir le film se tarissait. Le matraquage publicitaire, médiatique, etc. m'a un peu dégoûté d'aller voir le film le jour de sa sortie et les jours d'après. Donc pour l'instant, je l'ai toujours pas vu. Je vais le voir, ne vous inquiétez pas, dans les prochains jours. En plus, j'attendais que les salles se vident un peu parce que je pense que là, c'est complètement plein tout le temps. Parti comme c'est parti, tu peux attendre de juin 2016. Oui, mais enfin, j'ai quand même le voir cette semaine, fin de cette semaine. Mais... je voulais pas en plus je voulais pas faire dans le prévisible ce mois-ci parce qu'en plus vous allez entendre tous les podcasts parler de cinéma, parler de Star Wars jusqu'à épuisement, voire même jusqu'au dégoût. On a pas envie d'être commercial. On veut faire les choses. C'est ça. En plus, on est indépendants, nous. Ouais, il y a certains d'entre vous qui ont peut-être pas encore vu le film et qui voudraient pas se faire spoiler. Donc dans ce numéro, on va pas en parler. Désolé pour ceux qui souhaitaient connaître notre avis. Mais par contre, j'ai une bonne nouvelle, puisque début janvier, on fera notre traditionnel bilan de l'année. Et ce sera dans cette émission qui paraîtra durant le mois de janvier. Je peux pas vous donner de date précise encore, qu'on en parlera en détail tous les quatre avec Eddie et Quentin. Avec une alerte spoiler avant qu'on en parle, pour que ceux qui n'auront toujours pas vu d'ici là puissent avancer durant l'émission. Voilà. Maintenant que tout est dit, on peut passer au sommaire. Il n'y avait pas que Star Wars en plus ce mois-ci au cinéma, donc on commencera avec Le Terminal pour le Vidéoclub Movies Nerd. Donc on commencera avec le film Le Terminal de Spielberg. Ensuite, on aura nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes, dont un récent, très très récent ajout par Morgan. Ouais, et je peux vous garantir que celui-là, je vous garantis un twist de malade. Voilà. Vraiment. Il m'en a parlé juste avant, c'était. Il m'a donné envie de le voir. Voilà, c'est pour vous dire. Et puis ensuite, le film du mois, ce sera Le Pont des Espions, donc toujours de Spielberg. Ce mois-ci, pas de recommandation, pas très recommandable, puisque j'avais demandé que tout le monde regarde Nancy Drew, mais comme Eddie et Quentin ne sont pas là, et que la dernière fois j'avais demandé que tout le monde regarde Gamer, et c'est que Morgan qui s'est tapé Gamer. Ouais, en bon élève que je suis. Voilà, donc je vais pas lui infliger tout seul la punition de Nancy Drew. Donc ce sera pour le podcast de janvier-février, je sais pas encore, faudra qu'on voit, on vous tiendra au courant de toute façon, mais ce sera pour un prochain podcast, mais à la place, d'après une idée de Morgan, il faut quand même donner à l'auteur le crédit, nous allons vous donner rapidement notre top 5 des films de Steven Spielberg, notre top 5 personnel. Ouais, enfin, j'avais envie de faire un bilan parce que Spielberg, bon, c'est quand même peut-être le réalisateur avec LE majuscule. Ouais. Et c'est vrai qu'il a tellement fait de films que je me suis demandé, mais si on devait en retenir que 5. Et franchement, ça fait 3 jours que j'étais dessus. Hein. J'ai réussi à trouver mon top 5, mais ça n'a pas été évident. Hein. Même Axel, je sais qu'il a ramé. Ouais. Moi, j'ai beaucoup ramé. Hein, et d'ailleurs, c'est pas mal, je trouve. Pour rebondir à ce que tu disais sur Star Wars, c'était tellement l'attente du mois et de l'année, disons les choses clairement, que la sortie du nouveau Spielberg, je dis pas qu'elle intéressait personne, mais globalement ça a pas fait tant de bruit que ça, même si ceux qui ont vu le film est quasiment unanime dans les avis, mais je trouvais que les il y avait pas le côté événement comme à chaque, tout était étouffé par Star Wars de toute manière. Donc je trouve ça pas mal qu'on on évince entre guillemets Star Wars, et c'est pas pour faire nos snobs ou compagnie, non, au contraire. Bien sûr, hein, de toute façon on vous en parlera dans le mois prochain, donc du coup ce sera pas mais c'est juste pour vous éviter un peu de moi aussi enfin parfois j'en ai un peu marre, j'ai pas écouté non plus les émissions parce que je veux pas me faire spoiler, mais je sais que j'arrête pas d'en voir des passés des podcasts que des, je suis des critiques, oui, si on veut des critiques bah moi la seule critique que j'ai écoutée c'est Cinéfeuse, parce que c'est les seules que je regarde, j'ai lu 2-3 critiques écrites forcément, mais c'est vrai que non, il y a un ras-le-bol, mais en même temps on s'y attendait, c'est même pas du matraquage à ce niveau-là, c'est au-delà, je m'attendais vraiment pas à ça. Et je pense de toute façon que et je pense qu'on en développera avec Eddie, parce que j'aimerais bien avoir son point de vue sur ça, mais Star Wars 8, vous le savez, sort pas Star Wars 8 mais Star Wars Rogue Rogue Nation, One, je crois. C'est Rogue One, j'allais dire Rogue Nation, Rogue One, Mission Impossible, sort l'année prochaine. On n'aura pas un matraquage médiatique aussi fort, vu que là ça faisait des années qu'on n'avait pas eu un Star Wars. L'attente était là, je pense que maintenant ça va s'atténuer, ils seront attendus gentiment. Ouais. Enfin, les épisodes principaux seront quand même plus médiatisés que les hors-série, je pense. Mais voilà, on verra bien. On a encore plein d'années de Star Wars. Ça fait un peu peur. Hein, Vous avouer, mais... ils sont comme Marvel. Ils ont déjà leur phase, j'ai l'impression. Ouais, voilà. Mais c'est pas sans me déplaire en tout cas. Franchement. Non. Enfin, on verra bien. voilà, je pense qu'on a tout dit. On va pouvoir passer au premier film, donc le Vidéo Club Movies Nerd sur Le Terminal. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. Donc on est à la première rubrique de ce podcast, le Vidéo Club Movies Nerd, sur le film Le Terminal, qui est un film réalisé par Steven Spielberg, sorti en France le 15 septembre 2004 et aux États-Unis le 18 juin 2004. On retrouve la distribution Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chip McBride, Diego Luna, Zoe Saldana, Corey Reynolds et Guillermo Diaz. Donc c'est pour faire rapidement le synopsis, parce qu'il est assez court, donc je peux le faire. Victor, c'est un homme qui attend. C'est pas toi qui avais dit ça. C'est un homme qui attend. C'est moi qui avais dit ça pour parce que ça faisait très longtemps que je l'avais plus vu. Je l'avais vu à la télévision, mais vraiment il y a très longtemps. Et du coup là je l'ai revu il y a quelques jours et ça. Enfin c'est redevenu un de mes films préférés de Spielberg. Ah. Enfin de toute façon. C'est pour ça que j'ai eu du mal à faire le top, parce que je voulais le mettre dedans. Mais enfin bon, voilà, on en parlera plus tard. Donc le synopsis, c'est Victor Navorsky, donc c'est joué par Tom Hanks, qui est un touriste comme un autre. Seulement, au moment de s'enregistrer sur le territoire américain, il est bloqué car son pays d'origine, la Cracovie, voilà, vient de voir son gouvernement renversé par un soulèvement de l'intérieur. Devenu indésirable, il va errer dans l'aéroport JFK à New York en faisant des petits boulots pour gagner sa vie. Voilà. Et on précise que le pays Cracovie, c'est un pays fictif qui a été imaginé pour le film, parce que Spielberg voulait pas à l'époque, on va dire, faire de la géopolitique. On se rappelle, à cette époque il y avait Borat qui était sorti et le Kazakhstan était pas très content. Voilà, c'est ça. Voilà, donc ça fait un peu penser à ça. Donc c'est sûr que c'est plus intelligent, je trouve, de faire ça. Au moins il a pas de problème avec les pays, et puis il peut faire. Oui, surtout que Spielberg, c'est pas un réalisateur qui fait de la politique. On en reparlera parce que du coup il y a un gros lien entre Le Pont des Espions et Le Terminal. Il y a un côté politique et il y a Tom Hanks, donc. D'ailleurs, je vais préciser que c'est moi qui ai proposé Le Terminal. Voilà. Moi, je voulais le revoir, mais depuis très longtemps, et du coup ça tombait juste bien qu'on parle de. Ce film. Donc, je vais te laisser en parler du Terminal pour commencer, et puis de toute façon j'interviendrai. Ouais. Bah moi, le Terminal, je crois que ça a été le premier film de Spielberg que j'ai vu dans ma vie. Je vais raconter ma vie hein, un petit peu. J'avais. Pas de soucis. Donc, j'étais en 2004, je suis né en 92, j'avais 12 ans. Mm-hmm. Oh mon dieu. Le temps passe vite. Ouais, j'avais 9 ans. Hein. J'étais au. Ah oui, t'es plus jeune que moi. Oh, putain. J'avais 12 ans, j'étais au vidéoclub et j'avais vu l'affiche et je trouvais l'affiche magnifique. Pour son, souvenez-vous, c'est on voit Tom Hanks avec une valise au milieu de gens qui l'entourent. L'affiche vachement belle et j'aimais cette idée de huis clos en fait. Et je l'avais loué et j'avais été frappé par le rythme du film parce que c'était un des premiers films que je voyais avec un rythme aussi lent où il n'y avait pas, entre guillemets, il n'y a pas d'action. Enfin, à l'époque, j'avais un petit peu des goûts un peu formatés. Fallait pas me montrer un film poseur, sinon je m'ennuyais et je m'endormais. Et là, ça a vraiment été un film où j'ai vécu mes premières émotions de cinéphile à travers une histoire que je trouve magnifiquement bien racontée. Et là, en l'ayant revu il y a quelques jours, c'est un film que je regarde assez souvent. J'avais même pas besoin de le revoir pour le podcast, vu que c'est un film que je connais pratiquement par cœur. Et il fait partie de mes Spielberg préférés. Et ce que je déplore sur ce film, qui n'a rien à voir avec le film, c'est que c'est pas le Spielberg le plus reconnu à sa juste valeur. On parle évidemment des Dents de la Mer, on parle de Jurassic Park, on parle de tout ça. Mais je trouve que le Terminal, bon, en même temps, il est sorti au milieu de quelques gros films. Il est sorti, je crois, avant Munich, enfin attends, il y a eu quoi? Attends, Terminal 2004. Avant c'était... Munich et après Minority Report. Voilà, donc, voilà Minority Report. Avant La Guerre des Mondes. Voilà, enfin, voilà, c'est pour le Minority Report qui a été quand même un Spielberg qui a eu des éloges à sa sortie. Le Terminal, c'était un peu le petit film. Spielberg, il aime bien faire des petits films, mais les petits films de Spielberg. Entre deux gros, c'est. Voilà, c'est un peu comme Woody Allen quand il dit qu'il fait des films pour tuer le temps. Bah, Spielberg, il fait la même chose. Et en fait, un petit film de Spielberg, c'est le Terminal. Donc, c'est pour vous dire à quel point le mec est doué. Parce que le Terminal, quand on regarde bien, c'est un film qui pourrait être l'apogée, enfin le meilleur film d'un petit réalisateur. Ça peut être le chef-d'œuvre ultime d'un petit réalisateur. Alors que pour Spielberg, c'est un petit film comme ça. Et je trouve que le Terminal représente tout ce que j'aime chez lui. C'est-à-dire que, comme on en parlait dans nos synopsis, c'est pas un film politique. Donc l'idée d'avoir inventé un pays spécialement pour le film, de façon à ne pas viser directement un pays et ne pas se prendre des critiques, parce que c'est vrai, quand un grand réalisateur comme ça fait un film politique, il peut très bien être mal vu par la critique et très vite flingué et se faire taxer de donneur de leçons. Alors que Spielberg n'est pas du tout là-dedans, c'est un raconteur d'histoire et il a monté son film comme une fable. Et je trouve que on passe par tout. Il y a un côté un peu à la Capra, je dirais. Ouais. Quand j'ai découvert La Vie est Belle cette année, vous pouvez le réécouter dans un précédent podcast. Bah, j'ai beaucoup pensé à ça. Je me suis dit, mais le Terminal, ça aurait pu être un film à la Frank Capra. Tellement je trouve que il tombe pas dans les grosses ficelles du film politique. Il passe vraiment. Il se sert de son personnage principal qui est joué par Tom Hanks, qui est un peu cabotin effectivement, mais que je trouve super touchant parce que Tu l'as vu en VO ou en VF? J'ai vu les deux, en VO et en VF. D'accord. Et la VF est très bien. Puis c'est l'acteur, comment il s'appelle? Jean-Philippe Puymartin, je crois. Je crois D'accord. que c'est, oui. Donc c'est l'acteur, enfin c'est la VF habituelle de Tom Hanks qui est très bien, même si c'est toujours délicat pour un acteur VF de devoir un peu doubler et en même temps faire un accent. Voilà, c'est un peu compliqué, mais là je trouve que la VF est très bien, mais bon, vaut mieux le voir en VO. J'ai été surpris je reconnaissais pas trop la voix de Tom Hanks, il a pris des cours, et il parle bulgare dans le film Justement je trouve que toutes les émotions du film passent par lui, parce que c'est un acteur qui peut tellement tout jouer. C'est mon acteur préféré de tous les temps et c'est grâce à ce film là que j'ai découvert. Je me souviens en annexe j'avais ouvert un blog, un skyblog à l'honneur de Tom Hanks, et j'avais pris plein de photos du Terminal avec des petits cœurs et tout. Enfin, je suis toujours fanboy de Tom Hanks. Bon là je suis un peu moins expressif forcément. On apprend à être plus dans la retenue quand on vieillit. Ouais. Mais vous pouvez retrouver mon blog d'ailleurs. 100% tomhanks.skyblog.com. Allez-y, c'est vraiment génial. Les liens dans. Non, je déconne. Hein. Donc le Terminal, du coup, ne tombe pas dans la facilité du film politique. Il y a un propos politique, effectivement, mais c'est pas tant ça qu'intéresse Spielberg. C'est avant tout de raconter cette histoire vraie, vu que C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'histoire en elle-même, elle est vraie, il n'y a rien de fictif à part le pays. Donc l'histoire, quand elle est apparue dans les médias, il y avait une dimension politique. Spielberg, il efface totalement le propos politique et il en fait une fable, une histoire d'amour, une histoire d'amitié, etc. C'est un film sur la tolérance aussi, vu que ce personnage est vu comme un potentiel terroriste par le personnel du terminal, parce qu'il le voit gambader, donc il trouve qu'il y a un truc louche. En même temps, c'est une grande histoire d'amour, justement, avec l'avenue de Catherine Zeta-Jones. C'est la caution romanesque du film que je trouve super drôle et qui amène des scènes qui sont d'une rare... Il y a un côté un peu naïf, un côté burlesque aussi. La scène du dîner, elle est incroyable. Enfin, il y a un côté un peu... Oui, c'est tout dans la naïveté, mais en même temps, c'est pas une naïveté, on va dire, mièvre. C'est vraiment dans le ton, le ton du film, c'est ça. C'est une fable. Je peux pas en dire plus. C'est une fable. Faut le voir comme ça, avec des émotions qui sont pas forcément les plus subtiles, quoique. Mais en même temps, c'est un bonbon, ce film. C'est un film doudou, c'est un film qui fait du bien et qui, je trouve, représente tout ce que j'aime dans le cinéma de Spielberg. C'est-à-dire, il n'est pas donneur de leçons, c'est juste un conteur d'histoire. Et c'est pour ça que j'aime Spielberg, c'est pour ça que je le vénère autant. Et son casting est haut en couleur. D'ailleurs, Zoé Saldana, pour ceux qui ont vu le film, Zoé Saldana, que vous pouvez retrouver dans les Star Trek, qui joue le lieutenant Uhura dans le film, elle joue le rôle d'une fan de Star Trek qui va aux conventions Star Trek pour jouer. Du coup, je trouvais ça un peu rigolo quand on voit le film aujourd'hui. Qui est déguisée en lieutenant Janice Rand. C'est ça. Voilà. Donc, pour les fans de Star Trek qui sont derrière, qui sont à écouter. Ça m'a fait super rire quand je l'ai revu, parce que je l'avais vu avant que les films Star Trek sortent et je l'avais pas revu depuis. Et du coup, ça m'avait un peu passé par-dessus la tête. Je savais pas vraiment qui c'était. Et du coup, quand j'ai revu le film, je me suis dit, ah, mais c'est elle. Et en plus, elle fait le salut Vulcain à un moment. Donc oui, non, mais c'est vraiment, génial. Et justement, la scène du salut Vulcain, tout est dans. En fait, chaque scène qui est ponctuée par un truc, même on dirait pas qui, on dirait pas quoi, il y a une scène de mariage dans le film. Ouais, c'est le seul petit souci que j'ai eu avec le film, c'est. Cette scène-là, on va pas en dévoiler trop pour peut-être pas spoiler, mais j'ai trouvé ça qui tombait un peu, enfin ça va un peu trop vite, je trouve. C'est sorti un peu de nulle part. Mais il y a un côté le côté à la Capra, je trouve, il est très symptomatique dans cette scène. Quand on voit la vie est belle, où en gros la morale du film c'est si tu n'étais pas là, tu ne ferais ta vie n'irait pas aussi bien, vu que voilà, ceux qui ont vu le film comprendront. Bah là il y a un peu de ça, c'est-à-dire que ce personnage-là fait du bien à ceux qui l'entourent et c'est lui qui apporte la joie, il apporte le bonheur. C'est ce citoyen venu nulle part, cet extraterrestre quoi. Il y a un côté un peu E.T. dans le film. Il vient là, il sait même pas ce qu'il fait là, il est perdu et il fait du bien à tout le monde. Même en termes d'émotion, je trouve le film extrêmement fort. C'est-à-dire que effectivement la naïveté on va dire du film, en même temps il y a un effet miroir par rapport au personnage, vu que le personnage il sait même pas pourquoi il est là. On lui parle au début, il comprend rien, il parle même pas l'anglais. Ça donne des scènes hyper marrantes entre le personnel de l'aéroport et la scène du début. Excellent. Trouver des chaussures Nike. Alors on vient lui dire que son pays est en guerre, qu'il peut plus, il peut pas aller à New York, il peut pas retourner chez lui. Et lui, il comprend rien. Et du coup, la scène où il découvre par la télé, via la télévision que son pays est, je trouve, mais là à ce moment-là, le film est super touchant. Ouais, non, mais c'est Tom Hanks. C'est une bête d'acteur, quoi. Quand je dis qu'il fait le cabot, c'est pas péjoratif, au contraire, il fait le cabot, mais en même temps, ça donne à son personnage toute l'humanité. Enfin, vraiment, toutes les émotions du film passent par lui, passent par son regard. Et le film est magnifiquement bien dialogué. Et la fin aussi, vu qu'il y a. justement, le personnage arrive au milieu de nulle fin, part. Elle fait un de ses biens. C'est... La fin est magnifique. On n'a pas envie que ça finisse, le film. C'est... Et en plus, c'est pas un film qui, je trouve, il va pas vers la facilité par rapport à la finalité de ce personnage. Quand on voit l'aspect romanesque arriver, on peut se dire oulala. Et au final, je trouve qu'il y a une belle finalité dans tout ça. Et sur sa venue à New York, qu'on va pas dévoiler. Honnêtement, cette scène-là, j'étais estomaqué quoi. C'est vraiment magnifique. Pour moi, c'est un des meilleurs Spielberg qui, malheureusement, je vais pas dire. Enfin, oui, je dirais qu'il est sous-estimé. J'avais dit qu'il était méconnu, je vais peut-être corriger le terme. C'est qu'il est sous-estimé. Il est connu, mais je trouve qu'on le. Mais après, la filmographie de Spielberg est tellement. Oui, il y a tellement plein de films qui ne sont pas. C'est sûr que les films qui sont un peu moins visibles sont un peu. Sont magnifiques quand même. De côté, quoi. Même si ce sont de très très grands films. Voilà, c'est il y a peut-être pas eu autant de pubs que pour La Guerre des Mondes ou que pour Les Dents de la Mer, etc. Du coup, voilà, c'est c'est un très très grand film. Oui, parce que le film au final, bon, Les Dents de la Mer, Jurassic World, tout ça, c'est des films techniquement révolutionnaires. Le film n'a rien de révolutionnaire, il est même pas transcendantal, il est juste bien raconté et j'en demande pas plus. Voilà, il y a pas c'est pas un film qui m'a fait réfléchir, c'est un film d'émotion pure. Et le cinéma Spielberg, c'est un grand humaniste et ce film là, il est représentatif de ce qu'est le bonhomme quoi et de ce qu'il aime faire au cinéma. Le cinéma, c'est avant tout c'est un endroit où on nous raconte des histoires, où on nous raconte on nous donne une leçon de vie et je trouve que le Terminal, c'est une grande leçon de vie quoi, d'humanité, d'amour, de oh là là, tellement beau. Ouais, non mais je suis complètement d'accord avec tout ce que t'as dit. Ouais, je sais. Je vais en rajouter une couche. Hein. Ah ouais, genre j'en ai pas assez dit quoi. Ouais, c'est ça en fait. Moi déjà, ce qui m'impressionne toujours en fait, c'est chez Spielberg. Je vais encore le dire après pour le Pont des Espions. Je suis désolé, hein, mais je peux pas passer à travers. C'est la réalisation en fait. Ouais. En fait, on limite aux confins d'un aéroport, mais il trouve quand même le moyen de faire des plans qui sont vraiment astucieux dans des espaces assez confinés. Ouais. On s'ennuie jamais à regarder ce film, car il trouve toujours de nouveaux moyens de faire vivre son histoire à travers les mouvements et la disposition de sa caméra. Des petits rebondissements même, il arrive à insérer des petits rebondissements. Ouais. Et c'est vraiment ça que j'adore chez lui. Ce film transpire de plans iconiques qui resteront à jamais gravés dans ma tête. C'est un exemple tout bête, par exemple, qui fonctionne à merveille dans le film, c'est la découverte du terminal avec Tom Hanks, avec le personnage Victor Navorsky. Ah ouais. D'abord, on a une caméra rapprochée derrière le personnage, puis de plus en plus, on s'éloigne pour finir avec un travelling arrière, mais qui est super impressionnant, où on voit presque plus le personnage. Donc, d'ailleurs, il y a l'affiche qui est tirée de ce plan. On voit quasiment plus le personnage pour signifier un peu la perte de repère dans cet environnement inconnu. C'est juste un exemple tout bête comme ça, mais il y en a des milliers dans le film. Et La scène de la valise quand il veut regarder. La valise qu'on suit, un peu à la manière de la jeune fille au manteau rouge là dans la liste de Schindler. Exactement. Et ouais, non, mais du coup, ce film, c'est un exemple de mise en scène. Et la musique de John Williams, j'en ai pas parlé, mais elle est exceptionnelle. Ouais, moi qui suis un très grand admirateur de John Williams et qui suis un amateur de jazz, le film m'a comblé au niveau musique. Hein. J'adore. On va pas expliquer pourquoi il y a du jazz, ce serait un peu spoilé, mais voilà, c'est tout ce que je dirais là, sur la musique, c'est que déjà la musique de John Williams en elle-même est fantastique. Et après, voilà, si vous aimez le jazz, il y a un petit plus durant le film. Et puis c'est drôle. On n'a pas aussi parlé de Stanley Tucci, qui est juste génial et qui. Ouais, il est détestable. Il est détestable. Il apporte la touche manichéenne du film, mais en même temps, le personnage n'est pas dégueulasse en non, soi. Non, non, il est un peu drôle. Il est un peu burlesque comme ça. Oui, et puis il y a le film jusqu'au bout, il accumule. La scène marquante du film de drôlerie pour moi, c'est quand il dort pour la première nuit à l'aéroport il démonte les fauteuils pour en faire un lit. Un lit. Il débranche toutes les adaptes. Enfin, je suis pas électricien de nature, mais les. Ah, aide-moi. Le panneau là, le panneau électrique, il débranche tous les fils pour éteindre la lumière. Et quand il s'allonge, donc il est derrière une grande baie vitrée, il y a les lumières d'un avion qui s'allument, il croit que c'est la police, il lève les mains, il fait don't shoot. Et là, à ce moment-là, je trouve que le film, il instaure un doute. parce que ouais. je me suis dit, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, mais pourquoi il est si paniqué comme ça? Et là, à ce moment-là, là, il y a un suspense autour du personnage. Mais en fait, on sait jamais vraiment pourquoi, comme tous les autres personnages, en fait, on découvre au fur et à mesure du film qui est ce personnage, pourquoi il est là. Et c'est ça qui, en fait, ça nous. Il y a vraiment un lien qui se crée entre le spectateur et le personnage jusqu'à la fin du film, en fait. Non, c'est beau, c'est un beau film et. Pff, magnifique. Donc Tom Hanks, ben, il est vraiment parfait. On croit qu'il est Victor Navorsky, venu de Cracovie. Voilà. Et parce que souvent, j'ai du mal parfois avec les acteurs qui sont immensément célèbres et qui ont joué tellement de rôles. Ouais. J'ai du mal à détacher la personne du personnage, mais là, ça fonctionne à merveille. Ah, oui. J'ai pas l'impression de voir Tom Hanks, en fait. J'ai l'impression de voir vraiment ce personnage. C'est un de mes personnages de fiction préférés de tous les temps. Oui, j'aime vraiment ce personnage, je le trouve, mais débordant d'émotions, d'humanité. Enfin, ouais. C'est... Il est drôle, il est touchant. Maintenant j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est pas grave. Je voulais parler aussi de Catherine Zeta-Jones, ouais. Qui est très convaincante dans son rôle d'hôtesse de l'air, et qui, malgré que tu l'as dit, qui apporte cette touche romanesque, romanesque et romantique à ce film. Et puis il y a aussi Stanley Tucci, voilà, qui interprète avec brio le directeur de la sécurité de l'aéroport, mais qui est un peu burlesque par moments, mais qui est aussi parfois détestable. Surtout la scène, une des scènes qui m'a marqué le plus dans ce film, c'est la scène de la traduction entre. Enfin, il y a un Russe qui veut importer des médicaments. Oui, j'allais dire, voilà. Ouais. Qui veut importer des médicaments pour son père, et il parle que le russe. Et du coup, on demande à Victor... qui a appris à parler anglais depuis le temps. Voilà, c'est ça. De traduire ce que qui peut pas importer des médicaments comme ça aux États-Unis. Sans ordonnance. Que, ouais. Voilà, il faut une ordonnance, etc. Et puis après, il trouve quand même un moyen, Tom Hanks, de pouvoir contourner le système pour permettre à ce personnage d'importer quand même ces médicaments. Oui, il y a un côté un peu Robin des Bois, il y a un côté un peu. C'est un hors-la-loi, mais qui fait du bien aux gens, quoi. Je veux dire. Et la scène est tellement touchante, quoi. Pour moi, c'est un de mes films cultes, de toute façon. Voilà, c'est un de mes films préférés. J'ai repensé à ce que je voulais dire, en fait, c'est que le personnage de Victor, il fait penser parfois personnage de Forrest Gump. Forrest Gump, ouais. J'ai lu ça dans quelques critiques et c'est vrai, mais je trouve qu'au film, au fil du film, il se détache de plus en plus de ce personnage atypique pour devenir un personnage à part entière, et qu'on l'aime en lui-même. Moi j'adore Forrest Gump, que j'ai découvert cette année en plus, justement, je trouve qu'il a un petit côté Forrest Gump. Oui, dans les grosses lignes, parce que Forrest Gump, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il apporte le bien. Ouais. Puis après le lien, c'est Tom Hanks aussi, il y a toujours quelque chose qui lui arrive et il arrive toujours à s'en sortir d'une manière un peu inédite, un peu burlesque, du burlesque, quoi, dans le film. Et c'est totalement assumé. C'est pour ça que l'idée, pour moi, je pense au Terminal, quand pour l'anecdote que j'avais citée au départ, comme quoi le pays Krakow a été inventé pour le film, tout le génie est là-dedans, quoi. Il n'y a pas le côté je vais faire un film politique sur les immigrés, il est pas du tout là-dedans. C'est pas parce que Spielberg n'a pas les tripes pour parler de ça, je pense qu'il en a pas envie. Tout ce qu'il aime, c'est raconter des histoires. Mais en fait, il en parle, mais c'est très subtil. Voilà, c'est pas une leçon politique, quoi. C'est ça que j'ai aussi aimé dans Le Pont des Espions, on en parlera après, voilà. C'est les mêmes qualités. Ouais, voilà, donc moi j'ai à peu près tout dit sur Terminal, j'ai vraiment adoré le film, je l'ai vraiment redécouvert pour le podcast parce que je l'avais pas vu depuis longtemps, comme je l'ai dit, et du coup, c'est dur c'était vraiment dur de faire le top 5 des Spielberg, parce que là, celui-là, j'hésite encore à le mettre juste avant qu'on le fasse, parce que... Parce que quand on en parle, on se dit finalement. Puis il y a côté envie de le défendre aussi. Moi, je le mets parce que j'adore ce film. Je spoil d'abord un peu mon top 5. Il est dedans, je vous dis pas à quelle place, mais je le mets parce que j'ai envie que le film soit un peu réhabilité. Parce que y en a qui m'ont dit que le film était pas bon, il y en a qui m'ont dit qu'il était moyen. Le film est tellement fort, quoi, dans ce qu'il raconte. En termes d'émotion, c'est tout simple, c'est simpliste dans les grosses lignes. C'est vraiment, il y a un côté un peu mélodrame, un peu. Oui, mais ça marche. Il y a tellement de films qui se la jouent mélodrame et ça marche pas et c'est foiré que là, bah non, on a un film qui là, marche. Et puis c'est un petit film. C'est un petit film de Spielberg. C'est pour dire le niveau du bonhomme. C'est, quoi. C'est complètement dingue. En plus, ils ont créé. Enfin, ils ont pas complètement recréé un aéroport, mais ils ont. Oui. C'est si, un si, ils ont fait. Oui. Ils ont tourné quelques scènes pour les avions, etc. Oui, pour l'aéroport, et l'extérieur, c'est vraiment le... Enfin, on est voilà. Voilà, mais. Mais je trouve que, bah voilà, même en termes de mise en scène, puis techniquement, c'est. Ouais, même le nombre de figurants qu'il y a là-dedans. Quoi. Ouais. Ouais. Chaque figurant était pensé pour marcher de façon à pas empiéter sur Tom Hanks. Tout a été pensé. J'ai vu le making of, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais. Et puis, c'est-à-dire qu'un petit film comme ça qui a demandé autant. Enfin, c'est toujours le même directeur de photographie depuis la liste de Schindler. C'est Janusz Kaminski. Et il fait toujours un boulot extraordinaire dans les films de Spielberg. Et là, c'est encore. C'est la plus belle. Ah mince, maintenant si je dis ça, je vais spoiler, alors je vais pas le dire. Mais je te le dirai en off. Et pour ceux qui verront le film, vous verrez bien de quoi je parlais. Voilà. Okay. Moi, c'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire pour le film. On vous invite vraiment à le découvrir si vous l'avez toujours pas vu et à le redécouvrir si vous l'avez pas vu depuis longtemps comme moi. Ça fait toujours plaisir et puis c'est un film qui fait du bien. Voilà. Ouais, puis en ces périodes de fête, c'est pas négligeable. C'est parfait. Oui. On a fini sur le Vidéo Club Movies Nerd et on passe tout de suite à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. À la rubrique de nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes, et on va commencer tout de suite avec Morgane qui va vous parler d'un film français qui est sorti ce mois-ci. Je vous en dis pas plus, je le laisse l'introduire. Voilà. Alors, c'est le mois des surprises. C'est vraiment le mois des surprises. Pourquoi ? Parce que j'ai envie de dire enfin un bon film français cette année. Alors, j'ai pas vu Nous Trois ou Rien, donc je parle vraiment. Voilà. Nous Trois ou Rien, c'est. Pour moi, il y a deux films français. Enfin, trois plutôt. Trois. Réalité, Nous Trois ou Rien et. Qu'est-ce que je dis au cœur de l'océan ? Réalité, oui, au cœur de l'océan, oui. Star Wars. C'était. Mince, maintenant j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave. Épreuve 2 ? Aladdin ? j'ai complètement zappé. Ah oui, comment il s'appelle ? Avec Vincent Lindon. La loi du marché. La loi du marché, voilà. Oui. La loi du marché, alors je parle vraiment en matière de films populaires. Limite des comédies populaires. Comme cette année, on a eu franchement que des merdes. On n'a pas eu un bon film français populaire. Parce que réalité, c'est plutôt auteur et autoriste. C'est magnifique, mais c'est autoriste, c'est pas accessible. La loi du marché, c'est pas non plus accessible, non plus. C'est pas grand public. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Et bah, il aurait fallu attendre décembre. Pour avoir un film français non seulement potable, mais qui plus est, qui pour moi a le potentiel du culte. En tout cas, dans ma vie, ce film est déjà culte. Donc je vais parler du Nouveau, un film de Rudy Rosenberg, qui est un réalisateur totalement inconnu au bataillon. C'est son premier, premier long métrage après avoir fait trois courts métrages. Il avait commencé en 2007 avec un court-métrage qui s'appelait 13 ans. En 2008, il avait fait Une histoire louche. Et en 2009, il avait fait un film sur le thème de l'école qui s'appelait Aglaé, était l'histoire d'une fille handicapée. Alors, je ne sais pas trop le nom du handicap, qui devait s'intégrer dans une école, dans une école publique. Et le personnage d'Aglaé, on la retrouve. Même actrice, même personnage dans le Nouveau, mais ce n'est pas le personnage principal, c'est un personnage secondaire. Donc le Nouveau, je vais raconter un peu l'histoire, c'est l'histoire de Benoît qui habite au Havre, qui va déménager à Paris, dans le 15e arrondissement, donc c'est pas non plus un quartier miteux, c'est un bon quartier, qui est un adolescent un peu timide, un peu réservé, qui a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle classe. Donc il est un peu chahuté par la tête à claque de la classe, et va se lier d'amitié, d'affection avec des personnes de sa classe qui sont pas les plus populaires, disons les choses franchement. Mais ce sont les seules personnes qui vont entre guillemets vouloir de lui. Et en même temps, il va tomber amoureux de Johanna, qui est une jeune Suédoise fraîchement débarquée aussi. Donc on est vraiment dans un film voilà, d'école pure. Mais pour moi, ce film-là, ça a été une grosse surprise. Pourquoi ? Parce qu'il y a Max Boublil au casting et parce que j'ai... alors, je n'aime pas du tout Max Boublil à la base, je vais vous l'avouer. Je déteste le film qu'il a fait cette année, là, Robin des Bois. Ça a été une purge infâme à regarder. Ça a été horrible. Et en plus, la bande-annonce nous vendait un festival de Max Boublil à toutes les scènes. Exactement. Et au final, Max Boublil n'a que 3 scènes dans le film. Et j'ai compris en regardant le film, je l'ai vu 2 fois, j'ai compris en regardant le film que c'était un... Max Boublil est là pour, en gros, faire vendre le film, parce que le film n'est pas du tout centré sur lui, il a vraiment que 3 scènes. C'est même à la fin au générique qu'il est crédité comme étant une apparition exceptionnelle, donc il n'a pas été payé pour le film, je crois. Ah oui, d'accord. Je crois que ça veut dire ça, hein, quand apparition exceptionnelle ou amicale, ça veut dire qu'il n'a pas été payé. Okay. Donc c'est vraiment la caution populaire pour vendre le film, et je trouve ça astucieux. Parce que le film, il est hyper profond et hyper vrai. Quand vous allez voir la bande-annonce, vous allez forcément vous attendre à un espèce de prof bis pour des teenagers de 13 ans où tout est débile, potache, etc. Et c'est ça qui me faisait peur, parce que les ados dans le cinéma français populaire, ils sont soit vus comme des abrutis, comme des tocards, que là on est un film qui est vrai de bout en bout. Et c'est un film qui est non pas, il est pas générationnel, c'est un film qui est hyper universel, c'est-à-dire qu'il peut parler à tout le monde. C'est que nous, dans notre vie, dans ma vie personnellement, je me suis reconnu dans le personnage de Benoît. D'ailleurs, tous les acteurs du film sont amateurs pour les enfants et ils sont tous géniaux. Il y en a pas un qui surjoue, et franchement, c'est rare. Parce que les jeunes acteurs qui débutent, voilà, qui forcent un peu le trait, voilà, ils sont un peu stéréotypés. Les personnages sont stéréotypés. On a l'ami un peu lourd, un peu sale et un peu avec un humour un peu le gros lourd de service. On a l'espèce de geek à lunettes, ouais, avec la chemise à carreaux, etc. Ils sont très stéréotypés, mais en même temps, ce sont des stéréotypes qui sont vrais. Parce que moi, personnellement, les jeunes qu'on voit dans le film, je les connais. Ce film, c'est ma vie, personnellement. Benoît, c'est moi. Benoît, c'est moi. Et c'est un film, en plus, que je trouve d'autant plus intelligent qui... C'est pas un film qui cherche spécialement à être drôle. Il est extrêmement subtil, parce que forcément, il faut que le film ait des gags, des répliques, etc. Oui. Mais c'est jamais lourd. C'est au contraire des gags qui s'appuient sur des choses qui sont vraies, des choses qui auraient pu nous arriver ou qui même nous sont arrivées. C'est-à-dire, c'est pas le gros gag à la prof 2 ou... Enfin, j'ai pas d'exemple en tête, mais... Fast and Furious, s'il vous plaît. Oui, voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Ils sont pas abrutis. Au contraire, ouais, ce sont des personnes qui sont intelligentes, qui ont leur vision du monde, qui ont leur délire, qui ont leurs émotions. Et c'est un film qui, je trouve, passe par toutes les problématiques qu'on peut rencontrer quand on est adolescent, c'est-à-dire la timidité, la difficulté de s'intégrer dans un lieu qui n'est pas le nôtre, dans un nouveau lieu, comment accepter les autres, comment s'accepter soi-même, se valoriser, enfin comment trouver sa place dans un monde. Alors autant dire que ça, c'est pas propre aux ados. Je veux dire, moi, quand on me propose un boulot, quand j'y vais, il faut que je m'intègre aussi. Tout le monde connaît ça. Donc c'est pour ça que pour moi le film, il est universel et parle à tous. Et alors, le défaut que j'y reprocherais, c'est qu'il est un petit peu court. Ça dure 1h20 et honnêtement, j'en aurais repris pour 40 minutes de plus. Ouais. Tellement ce film m'a fait du bien. C'est des personnages hauts en couleur qui sont attachants. Il y a un rythme, il y a un sens du dialogue, tout est fin. Enfin, l'humour du film est fin, il est subtil. Et franchement, dans le cinéma français, on n'a pas vu ça cette année. Parce que c'est quoi le cinéma français cette année ? C'est Aladdin, c'est L'Épreuve 2, c'est Robin des Bois. Autant dire des trucs, mais avec un humour en dessous de la ceinture. Pourquoi j'ai pas mangé ? Ouais, bah ça c'est encore à part ça. C'est même pas crétin, c'est juste naze quoi. Mais c'est Aladdin, c'était naze. L'Épreuve 2, c'était, enfin voilà, côté humour, j'ai jamais vu plus mal écrit côté gag que dans ces films-là. Que là, c'est pas un film qui cherche forcément à faire rire, c'est un film qui cherche à attendrir. Et je trouve qu'il y arrive parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il y a les acteurs qui font le boulot. En plus, tout est vrai dans le film. Comme je dis, rien n'est surjoué. Tout est subtil. Enfin, c'est un petit moment de bonheur qui sointe la nostalgie à tous les niveaux. D'ailleurs, je m'y suis reconnu. Je pense que le jeune public va s'y reconnaître. Ceux qui ont 40 ans vont s'y reconnaître aussi. C'est pas un film formaté ni ciblé. C'est un film vraiment populaire qui est grand public. Et c'est un magnifique film à défendre parce que c'est, je trouve, pour moi, le digne successeur de La Boum des années 80. C'est-à-dire, c'est vraiment le film générationnel. C'est un film qui, pour moi, malheureusement, ne fera pas 3 millions d'entrées parce qu'il n'a pas, malgré la présence de Max Boublil, qui est très drôle en plus dans le film. Et c'est ça aussi qui est l'exploit du film, c'est de rendre Max Boublil qui est drôle. Pourquoi ? Parce qu'il est là que 3 scènes, et les scènes où il est là, il est drôle, parce qu'on lui donne quelque chose à jouer, il se met pas en spectacle. C'est un film qui fait exister ses personnages parce qu'il est tout le temps filmé à hauteur d'enfant. À aucun moment on a le point de vue des adultes. D'ailleurs, ça me fait rappeler un film qui était aussi pas mal, qui est de Richard Berry, qui s'appelait Moi César, 10 ans et demi, 1m39, qui était aussi filmé à hauteur d'enfant. Alors que bah là c'est exactement le même principe, c'est qu'on suit on suit les déboires amoureux de Benoît, ses frustrations, ses moments de joie aussi, vu que voilà, l'adolescence c'est pas que des moments où on pleure parce qu'on est amoureux d'une fille qui veut pas de nous, c'est aussi des moments où on a des délires à la con avec ses potes sur des trucs divers et variés, enfin je veux dire, et c'est un film le film il y a un charme quoi, c'est un film qui est plaisant à regarder, c'est drôle, il y a énorme, j'ai même vu de l'émotion dans ce film là, mais c'est plutôt à la fin, parce que c'est un film qui m'a rendu nostalgique, c'est un film qui m'a rendu compte que je vieillissais, donc c'est pas bien, mais en même temps c'est aussi un film qui parle aussi de la différence, et on parle de handicap, et le film n'est jamais condescendant, même envers les personnages un peu, comme j'ai dit, les personnages un peu inférieurs, par exemple, et l'acteur, j'ai retenu son nom, qui s'appelle Joshua Araka, qui s'appelle aussi Joshua dans le film, donc il y a presque... Je dirais même un côté autobiographique. Je pense de toute façon que le réalisateur s'est inspiré de sa propre vie. Le personnage un peu lourdingue, un peu gênant. L'ami gênant, on l'a tous, on le connaît. Mais il est montré avec un regard. C'est pas montré avec condescendance ni avec mépris. Le film, il est vraiment tendre. C'est un film qui est tendre. Et c'est pour moi le meilleur film français que j'ai vu cette année. En matière de film populaire, réalité, c'est formidable, effectivement. Mais si je devais recommander un film populaire cette année, ben je recommande à tout le monde d'aller voir celui-là, quoi. Ça dure 1h20, c'est dommage parce que voilà, il aurait peut-être fallu qu'il dure 2h pour encore que ce soit vraiment le chef-d'œuvre. Ça aurait pu être un grand chef-d'œuvre. Mais au final, c'est un film magnifique avec beaucoup d'émotions, beaucoup de rire. Franchement, j'ai rigolé à nombreuses reprises. Et ça arrive pas tous les 4 matins quand on va voir une comédie française. Et c'est magnifique, bon joué, les acteurs sont excellents, et l'acteur qui joue Benoît, qui s'appelle, alors c'est pas Raphaël, c'est Raphaël ou Raph, voilà, c'est Raphaël avec un E, voilà. D'accord. Raphaël Grenacia, qui est voilà un comédien amateur qui a été choisi sur casting, et le réalisateur ne voulait pas un comédien expérimenté, il voulait vraiment un ado qui est dans le vrai, le film est dans le concret de toute façon dans tout ce qu'il raconte, et j'aimerais bien le revoir plus tard parce que c'est un acteur qui a du potentiel. C'est-à-dire qu'il surjoue pas, il est attachant, enfin ça aurait été mon meilleur pote si j'avais été au collège avec ce mec là quoi. Mais vraiment, c'est attachant, c'est subtil, et ça fait appel à ce qu'on a vécu nous et à ce que nos descendants connaîtront dans leurs années collège. Pour moi, c'est une grande réussite. D'accord. Je l'ai vu deux fois et j'attends pour elle. Non mais tu m'as vraiment envie de donner tu m'as donné envie d'aller voir le film plutôt. Oui, parce que c'est pas la bande annonce ne lui rend pas hommage. Les gens vont s'arrêter à la bande annonce. Moi le premier, j'avais posté sur un groupe dans le groupe où on est sur Facebook d'ailleurs. J'avais dit mais c'est on avait un peu ri, on avait été un peu snob en disant qui ira voir ça. J'avais dit oh là mon Dieu, Max Boublil. Mais il faut le vendre le film. Max Boublil, c'est un argument marketing. Et je trouve que c'est quand même malgré tout bien pensé. On n'est pas dans la grosse comédie pâtée, c'est Mars Film, je crois, qui produit ça. Enfin, honnêtement, c'est un film modeste. C'est un film modeste, mais qui a pas dû coûter énormément d'argent, mais qui je trouve est attendrissant, quoi. C'est magnifique. J'adorais. <D'accord. rire> Tu l'as très très bien vendu, et enfin moi je pense pas que j'aurai le temps de le voir d'ici la fin de l'année, mais dès que j'ai l'occasion de le voir, je le verrai, ça c'est sûr, parce que vu les retours que j'ai eus, même sans t'entendre en parler, j'avais déjà envie de le voir. Oui, c'est pas que moi, parce que normalement j'aurais très bien pu dire que j'étais très seul. Au final, c'est assez unanime. Les gens qui vont voir disent, même des blogs très sévères que je ne citerai pas, je vais parler de mauvaise langue, mais ils ont aimé. Je me suis dit, si eux ils ont aimé, allez-y quoi, le film est pas si... voilà. Et je veux encourager ce film. Parce que malheureusement, bon, bah, il est un peu étouffé aussi par les grosses sorties, par Star Wars, comme tous les films qui sortent en plus, de d'ailleurs. Je crois qu'il est sorti le. Non, il est pas sorti le même jour. Non, il est sorti juste le 23 décembre. Avant, il est sorti une semaine après. Mais bon, une semaine après, Star Wars, il continuait à remplir les salles. Donc c'est. Même quand je suis allé le voir deux fois en salle, c'était pas plein comme l'épreuve 2, c'était pas plein. Donc c'est pas un film que j'aimerais bien qu'il fasse le million d'entrées, parce que j'aimerais bien que ce réalisateur là, parce qu'on parle des acteurs du film, mais la réalisation est très bien. Je trouve qu'il y a des beaux plans. C'est pas non plus le film à il y a pas des plans iconiques comme c'est pas Spielberg, on va dire, s'il y a du potentiel, c'est un premier film en plus, donc le petit coup de pouce, faut aller le voir, il faut donner des entrées à ce film là parce que des films comme ça, j'en veux plus. C'est voilà, il y a eu La Boom, il y a même LOL que j'aime bien. J'aime bien LOL, mais le nouveau, il enterre LOL. Mais LOL, c'est has-been. La Boom, on peut le regarder encore avec un côté nostalgique. Je peux comprendre un peu, même si je suis pas fou du film, mais je sais que le film c'est culte pour toute une génération. Ouais. Mais pour moi, le nouveau peut être culte. Enfin, peut être culte comme l'a été La Boom, quoi. Okay, pour moi c'est une référence, c'est un bijou d'écriture ce film. Donc allez donner vos places. Oui, allez-y franchement, et amenez du monde. Franchement, les enfants, les adultes, les vieux, tout le monde, les vieux, les pardon, désolé, les personnes avec un âge avancé, vous pouvez y aller je devais y aller avec mon petit frère et ma petite sœur, je raconte aussi ma vie, mais j'étais malade donc j'ai pas pu y aller donc je regrette un petit peu, mais je pense que je vais y aller une troisième fois. J'aimerais vraiment que ce film marche. Un million d'entrées pour un film comme ça, ce serait magnifique. C'est un film modeste, c'est pas la comédie grasse, on n'est pas là-dedans, mais vraiment pas. Ouais. Ok, c'est un petit coup de cœur, un petit coup, un gros de pouce. Coup de cœur. Non, c'est un gros. C'est même pas un petit. Non, c'est un gros coup de cœur. C'est un gros coup de cœur, un gros coup de pouce pour. Allez absolument le voir, ce film. Le nouveau. Ouais. Enfin, moi, ça m'a donné très envie de le voir, en tout cas. On va passer à un truc un peu, enfin un film un peu plus. Il a quand même eu plus de pubs, mais bon, il a. Enfin. Non, ça a pris. Ce film a été un bid monumental. Oui, il a eu de la pub, mais. Il a pas marché. Il n'y a pas eu beaucoup de monde qui allait le voir. Ouais, c'est gros ce que flop je voulais dire. Mondial. Hein, c'est même le film a même pas. Non. Ouais. Donc c'est Au cœur de l'océan, film de Ron Howard, sorti. Aux États-Unis le 11 décembre 2015 et en France le 9 décembre 2015. On retrouve à la distribution Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Benjamin Walker, Tom Holland, notre futur Spider-Man, Brendan Gleeson, Joseph Moll, Frank Dillon et Jamie Sives. Et puis comme c'est enfin, il y a aussi d'autres personnages, donc Ben Whishaw, Charlotte Riley, Michel Fairley et Donald Stumper, pardon, parce que comme c'est le film qui est inspiré de l'histoire vraie de Moby Dick, il y a bien sûr tout l'équipage, etc. Donc je vais pas vous citer tout l'équipage parce que c'est un peu long, mais voilà. Et la baleine. La baleine aussi. Bon, c'est en numérique, hein. C'est. tu tues la magie du film. Oh, tu pensais que c'était une vraie qui tuait. Bah oui. Ouais, enfin voilà, les effets spéciaux, on en reparlera. Donc moi j'ai découvert il y a 2-3 semaines, il y a une semaine pardon, qu'est-ce que je raconte. Et il m'a demandé en privé si, j'ai conseillé, exactement. Donc je sais pas si j'ai bien fait. Oui, t'as bien fait, j'ai plutôt bien aimé, mais je voulais d'abord connaître ton avis sur le film, voir ce que t'avais pensé. Ça a été une petite surprise, vu que je l'attendais pas tant que ça, même si j'adore les films qui se passent en mer. Il y en a pas vraiment beaucoup ces derniers temps, et du coup... dernier film apparemment qui se passe en mer, c'est... All is Lost Ça j'étais sorti avant la fin. Non, Master and Commander avec Russell Crowe. Ah oui, je l'ai pas vu. C'est un film qu'on me conseille beaucoup et j'adore les ambiances maritimes en fait. et là, l'idée d'un film qui me raconte une histoire que je ne connaissais pas d'ailleurs. Même l'histoire de. Parce que c'est, tu l'as pas dit, mais c'est tiré de l'histoire qui a inspiré l'auteur qui a écrit le livre Moby Dick. Herman Melville. Dans le film, on voit Herman Melville. Herman. l'auteur de Moby Dick qui va récupérer l'histoire d'un ancien mousse, un témoignage sur le bateau qui a fait naufrage, le baleinier, donc l'Essex en 1820. Et du coup c'est une histoire assez enfin moi quand je suis allé voir le film, parce que je connais, enfin Moby Dick je connais comme ça, je pense, ouais, je sais pas ça raconte, ouais, quoi, je sais, voilà, qu'il y a une question de baleine, mais tout le monde connaît un petit peu comme ça, c'est un background culturel, mais ouais. Si t'as pas lu vraiment le bouquin, tu sais pas vraiment de quoi ça parle. Non, et mais moi Moby Dick, je croyais que c'était un truc de Jules Verne, c'est pour dire à quel point je crois que je confonds Moby Dick et 20 milieux sous les mers. Sous les mers, ouais, non mais je suis naze en littérature de toute façon. Je suis un peu mieux en cinéma, mais en littérature, je sais pas, non, faut pas me demander. Donc, et j'aime, voilà, j'aime l'idée d'aller au cinéma pour aller voir qu'on me raconte une histoire que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, le terme raconter une histoire, je trouve que c'est ce qui fait la qualité du film. Ouais, c'est ça. C'est que le film est vraiment raconté comme une histoire. J'ai eu l'impression que Ron Howard m'installait auprès d'un feu de cheminée, me racontait une histoire et que je voyageais à travers les images. Il avait ses pantoufles près de la cheminée. Voilà, il y a un peu de ça, c'est un film qui m'a captivé quand même. J'ai eu du mal à rentrer dans le film au début, j'ai eu très très peur, parce que je trouve que le premier quart d'heure est un peu plat, un peu sans relief, malgré la 3D, un peu ennuyeux, et au final, dès que le film démarre, dès qu'on va en mer et que les rebondissements arrivent, mais je trouve qu'il en gagne en intensité, qu'il y a des... Ouais, et puis ça n'arrête pas, hein. Il y a toujours un c'est bien chose. Rythmé, ouais, c'est... je trouve le rythme est très bon. J'ai pas regardé l'heure une seule fois, le film date quand même un petit peu dans ma tête, vu que j'ai quand même vu d'autres gros films à côté, mais sur le moment j'ai pas détesté. C'est un film que j'ai bien aimé. Je trouve que le bide est injuste, parce qu'il y a vraiment des films qui auraient vraiment mérité de faire des bides, mais pas celui-là. Visuellement, je le revois un petit peu à la baisse quand même. C'est parce très que spécifique. Hein, y a des trucs qui sont impressionnants, mais en même temps, quand j'ai vu le film, je me suis dit, oui, je suis impressionné, je suis vraiment dedans, mais quand j'y repense là maintenant, je me suis dit, c'est vrai que visuellement, le film, dans 2 ans, il est has-been à mort, quoi. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant pour maintenant. Dans un an et demi, c'est fini, quoi. Et puis même après, il y a l'effet grand écran. Je l'ai vu sur grand écran en 3D. Je pense qu'en Blu-ray, ça va piquer un peu. Ça va piquer un peu, mais il y a des moments d'héroïsme à la manière d'un récit d'aventure, bien rythmé, avec des personnages très identifiables, très bien joués d'ailleurs. J'ai adoré Tom Holland, que je connaissais pas du tout, et il me donne beaucoup d'espoir pour son Peter Parker. Et grâce à ce film, j'ai vraiment hâte de le voir, du coup. Chris Hemsworth m'épate de plus en plus, parce que moi, Avengers, Thor, c'est pas mon truc. Et je trouve que cette année, c'est l'année où je l'ai un peu redécouvert. Dans Vive les Vacances, j'ai vu sa part comique, et pas que d'ailleurs. Et dans ce film-là, je le trouve hyper charismatique, et je pense que je peux maintenant désormais dire que j'adore cet acteur. Il a perdu énormément de poids pour le film, puisque comme c'est un naufrage, censé être, c'est sur des radeaux au bout d'un moment. Le pauvre, il doit être frustré quand même. Hein. Il s'est donné du mal pour rien, vu que le film a été un échec cuisant, quoi. Ouais. Le pauvre, c'est souvent comme ça d'ailleurs. À chaque fois qu'on se tue, on se tue la tâche pour faire un rôle. Le film marche pas trop, donc. Ouais. Mais après, c'est pas un grand film, c'est pas un film qui fera date, il sera pas dans mon flop, il sera pas dans mon top non plus. J'ai beaucoup aimé, ça a été mon petit coup de cœur de la semaine où je l'ai vu, mais là, avec les autres films que j'ai vu ce mois-là, j'avoue, je l'ai un petit peu effacé. Et je le reverrai pas, de toute façon, hein, même en pourrait. C'est un film qu'on voit qu'une seule fois, je pense. Hein, En plus, c'est. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi graphique. Il y a des côtés un peu graphiques sur les morts des baleines, etc. Mais j'ai pas envie de spoiler, parce que pour ceux qui l'ont pas encore vu, c'est quand même quelque chose qui... moi, je m'y attendais pas du tout, personnellement. Y a certains moments où c'est assez... gore, mais c'est plutôt caché, en fait. Ouais. Donc ça va, il est un peu pudique sur ce côté-là, je crois, Ron Howard, ça aurait été un peu du voyeurisme, je pense, s'il serait allé dans le gore extrême sur le côté. Il y a des moments où c'est un peu, le personnage de Tom Holland va dans le corps du cachalot, je trouve, il y a un côté un peu crasseux dans le film. Exactement. Tout ce qui concerne les animaux, bon, enfin, voilà, c'est très graphique, mais voilà, moi le film m'a plutôt plu quand je l'ai vu. Niveau réalisation, c'est moi j'ai bien aimé le côté caméra attachée un peu à tout. Je trouvais ça un peu original. Bon, c'est sûr que c'est pas, on l'a déjà vu pas mal de fois, mais je trouvais qu'il trouvait des bonnes idées. Une caméra attachée à une palme, à une rame, enfin voilà, il y a plusieurs endroits où il attache sa caméra et ça donne plutôt des bons effets visuellement. Après, c'est assez bizarre la colorimétrie du film. C'est très vert. Ça fait très. Il y a un côté qui fait très réalisme. Très réaliste. On a l'impression d'être sur le bateau. Et il y a certains moments où on a vraiment l'impression que c'est tourné sur un fond vert. Et ça fait très très bizarre. Oui. C'est un effet. Mais non, mais techniquement, c'est pas parfait. Hein. Efficace. C'est pas parfait. C'est voilà. Que sur le moment. Je pense que j'aurais tiqué sur le film s'il avait vraiment tout misé sur ça, et je pense pas qu'il s'est, voilà, il s'est pas vendu comme étant révolutionnaire à ce niveau-là. Mmh. Il est dans la grande majorité, enfin la plupart du temps, il est appliqué et efficace. Après, honnêtement, si je dois décortiquer le film visuellement, malheureusement, je reverrai mon avis un peu à la baisse, enfin ma note finale à la baisse, et j'ai en même temps, j'ai pas trop envie parce que j'ai quand même pris du plaisir et j'ai quand même été captivé par l'histoire et toute la séquence du naufrage là, quand ils ont pu à manger, enfin j'étais assez dedans malgré tout, j'ai quand même vécu le film un peu, et non, c'est une belle histoire. Il y a des trucs un peu hein, petit moment d'émotion vers qui marche bien vers la fin. Non, franchement, ça va. C'est un film qui est plutôt honorable. Oui, c'est un film qui est plutôt honorable. La musique est, voilà, elle est ce qu'elle est, elle est pas non plus exceptionnelle. Il y a certains moments qui sont quand même assez, enfin j'ai bien aimé quelques morceaux que j'ai réécouté plus tard. Donc c'est la musique de Roque Baños. Je connaissais pas ce musicien, mais j'ai plutôt aimé certains morceaux. Après voilà, on n'a pas trop grand chose à dire parce que moi aussi ça fait pas longtemps, mais ouais, moi le problème c'est qu'il a été étouffé par des films que j'ai vus. Donc, mais voilà. C'est pas, de toute façon il est déjà plus à l'affiche. Mais non, c'est un film qui a pas marché, ça a été un échec total. Mais si vous l'avez pas vu, franchement, même si c'est en Blu-ray, moi je vous le conseille quand même de le voir. Ça fait passer le temps. Après visuellement, ça risque de vous piquer les yeux quand même. Parce que en 3D, la 3D qui est, faut voir la bande annonce et regarder la bande annonce, et si ça vous plaît visuellement, vous dites que c'est ça pendant tout le film. Voilà. Ouais, puis il y a des moments de bravoure qui marchent. Vraiment, c'est à la manière d'une histoire, un récit d'aventure avec ses moments d'héroïsme, ses moments improbables, et des moments, je trouve, de tension. Alors, quand on voit la baleine arriver, je suis pas rassuré, hein, quand on voit la taille du machin. Et non, ça a marché. Chez moi, globalement, ça a marché. Pareil, Donc voilà. On va passer ensuite à un film que tu as vu très très récemment, même cet après-midi. Oui, alors là, je vais vous garantir. On est arrivé sur Skype, il s'est empressé de m'en parler. Ah ouais. Je l'ai fait sur Twitter, d'ailleurs, je vais vous lire mes tweets avant de démarrer le film. Bon, Axel, tu peux faire un petit jingle parce que le temps que je me comptais. Donc en fait, il m'en a un peu parlé. Moi, je connaissais pas du tout. Enfin, le film, j'avais vu rapidement l'affiche, j'avais vu un peu le synopsis, ça me donnait envie, mais le problème c'est qu'il passait pas du tout chez moi, donc je me suis pas vraiment intéressé au film, et plus il m'en a parlé, plus j'en avais envie, donc je vais te laisser en parler. Voilà, donc je vais parler du film de Jia Zhangke, qui est allé au Festival de Cannes l'année dernière d'ailleurs. Est-ce qu'il a remporté quelque chose? Désolé, mais je ne sais pas. Je suis désolé, je suis pas non plus. Il était dans la sélection officielle, mais je crois qu'il a rien remporté. Donc c'est un film qui s'appelle, ça s'appelle Au-delà des montagnes. Et donc au casting on retrouve, alors désolé, hein, mais vraiment désolé, j'ai pas fait mandarin en LV2. Hein. Voilà, vous avez l'habitude avec ma prononciation. Ouais, alors déjà, Jia Zhangke, c'est parce que je l'entends un peu partout vu que c'est un réalisateur qui est un peu coté dans les festivals. Mais alors pour ce qui est du casting, je suis désolé, vous allez rigoler. Donc on retrouve dans les trois rôles principaux Zhao Tao, qui joue le rôle de Tao, c'est pratique. On retrouve Jiang Yi, qui joue le rôle de Jing Seng. Et on retrouve Jing Dong Liang, qui joue le rôle de Liang Zi. Donc c'est un trio amoureux. Pour ce qui est du synopsis, Je vais vous lire celui de Vodcaster, parce que le film a résumé, c'est pas évident. Une histoire en trois parties qui démarre dans les années 1990 et suit un jeune couple de la province de Shaanxi, où la jeune femme lui brise le cœur en mariant un riche propriétaire minier. Le second segment raconte comment cet homme éconduit revient à Shaanxi pour trouver son ex-femme divorcée et séparée de son fils. Le dernier segment se passe en 2025 en Australie, où le fils vit dans une triste existence d'employé de casino. Alors déjà, honnêtement, regardez la bande-annonce, parce que je pense que la bande-annonce va vous donner envie de voir le film, qui pour moi a été la surprise, pas que de la semaine, pas que du mois, mais de l'année. Je vais même vous lire les tweets que j'ai écrits en sortant à chaud, et franchement, là, même 2 heures après, ça n'a pas bougé. J'ai écrit, vous ne pouvez, sur Twitter hein, évidemment, ceux qui me follow savent déjà, vous ne pouvez pas imaginer dans quel état je me trouve actuellement, ce film est d'une splendeur bouleversante, meilleure actrice de l'année, meilleure scène finale de l'année, meilleur scénario de l'année et peut-être le meilleur film. La réalisation est parfaite, le film accumule subtilité et beauté, c'est magnifiquement joué, c'est profond, putain, il vient de mettre un bordel monstrueux dans mon top, c'est peu de le dire, je n'ai même plus envie de voir un autre film avant 2016, je veux terminer l'année sur ce chef-d'œuvre. Et bah mon avis ne change pas, parce que c'est vrai que parfois quand on sort d'un film on peut être un peu... Mais là ça bouge pas, et plus j'aime le film, plus je me dis que bah... Je crois que j'ai trouvé mon meilleur film de l'année. Ça peut bouger, bon je vais quand même laisser durer le suspense, ouais, mais... Laisse durer le suspense pour moi. Ouais. Mais j'ai trouvé un des films les plus forts de l'année, les mieux écrits, les mieux réalisés, les mieux joués, les mieux mis en scène. Tout simplement. D'accord. Pourquoi ? Parce que c'est un film qui, je trouve, part d'un postulat qui est hyper culotté et hyper intéressant, et qui donne envie, je trouve. L'idée d'un film qui se déroule sur trois segments, il y a un côté 1990, époque actuelle et futuriste, et c'est de voir à quel point Jazanke, qui déjà son dernier film, il me semble que c'est son dernier film, en tout cas c'est le dernier film de lui que j'ai vu en 2013, ouais, qui s'appelait A Touch of Sin, qui avait lui aussi mis un bordel dans mon top 2013, qui était... deuxième dans mon top, juste après Gravity, qui est aussi un film qui était découpé en plusieurs points de vue. Là, on suit pas plusieurs points de vue, quoique un petit peu, mais on suit des personnages qu'on connaît à travers des époques différentes. Et c'est de voir à quel point Jazanke arrive à faire évoluer ses personnages de manière cohérente et touchante, et de manière inattendue, parce que je trouve que le film, au-delà de la curiosité de voir comment les personnages évoluent, il arrive à créer des effets de surprise. C'est-à-dire que l'époque 2025, quand on voit comment le film commence en 90 et quand on voit ce qui se passe en 2025, il y a un énorme fossé. Je vais rien vous raconter, parce que tout est dans la découverte, et je vais vraiment désolé, parce que parler d'un film... auquel on n'a rien à reprocher, mais vraiment, hein, d'habitude, je tique sur un détail ou deux. Pour moi, ce film, il est parfait. J'ai vu ce que j'aimais voir au cinéma, mais en matière d'émotion. Et d'ailleurs, c'est ce qui manquait cette année. J'en parlais à Axel avant de faire le podcast. Je trouve que cette année, il nous manquait le film symbolique, le film poétique. On n'a pas eu tant que ça des films poétiques. On a eu des films fun, on a eu des films d'émotion, vice-versa, on va dire, c'est de la poésie. Oui et non, vice-versa, c'est de l'émotion. Que là, au-delà des montagnes, il accumule les moments de poésie, les moments de grâce, les moments d'émotion, il accumule tout. C'est un film... En plus, ça dure pas 3 heures, ça dure 2h10, je les ai pas vus passer. Le film est lent, mais en même temps, j'ai pas regardé l'heure une seule fois. Tellement le film, il est riche, tellement il est profond, tellement les personnages sont habités par les comédiens et l'actrice qui joue donc Tao, qui est donc Zhao Tao, m'a bouleversé. J'ai trouvé mon actrice de l'année. Vraiment. Elle porte le film sur ses épaules, elle est d'une grâce inouïe, elle est touchante. C'est un film un peu visionnaire en son sens, qui est pas trop pessimiste. Je m'attendais vraiment à un truc un peu... Parce que voilà, les films asiatiques, c'est pas non plus les films les plus... On sort pas non plus du film avec la banane. Ça dépend, mais globalement, c'est vrai que un film qui se passe en Chine, Touch of Sin, c'était un film un peu sur ce qui se passe en Chine. C'est un peu un bilan de ce qui se passe en Chine, la violence, la prostitution. On a un peu de ça, effectivement. Le film, il y a un côté... qu'est-ce qui s'est passé avant et qu'est-ce qui va se passer après. Donc c'est un film d'anticipation en soi, mais en même temps c'est un film dramatique, en même temps c'est un film qui a des petits moments drôles, les dialogues, mais j'ai retenu quelques répliques, je vais pas vous les dévoiler, mais j'ai retenu des répliques qui sont marquées à vie dans ma mémoire. Franchement, j'ai vraiment du mal à vous en parler, parce que je sais que le film est à analyser quand même, c'est quand même... C'est Jazanke, donc c'est pas un film à... Voilà, c'est pas un petit film, c'est un gros film à décortiquer. malheureusement, j'ai pas le talent de décortiquer le film. Vraiment, je suis dans l'émotion pure et dans ce que j'ai ressenti. C'est la première fois où je suis passé par toutes les émotions. Au début du film, j'étais mais subjugué, j'étais épaté, et à la fin du film, j'avais les mains sur le visage et les larmes qui coulaient. Je me suis dit, ouh là là, j'adore la neige au cinéma et ce film me le confirme. Et ouais. Voilà. Et d'ailleurs, ça me rappelle un débat que j'avais eu avec un ami qui a vu Star Wars et qui m'a dit, sans spoiler, hein, qui m'a dit, ouais, J.J. Abrams, il invente le combat sous la neige, il se sert de la neige avec brio. Bah, j'ai vu ce film là et bah, Jazanke, il a fait. Voilà. Non, je vais faire un vrai truc avec de la neige. Et c'est bouleversant. Et d'ailleurs, même sans avoir vu Star Wars, je peux te dire que le vrai combat sous la neige, c'est celui de Kill Bill. Exactement. Exactement. Et ben voilà, il y a Kill Bill qui se passe aussi en Asie. Et il y a Au-delà des montagnes qui, je trouve. La scène finale de Au-delà des montagnes, c'est l'apogée émotionnelle. Je n'ai jamais été autant ému au cinéma que dans ce film cette année. C'est pour moi un chef-d'œuvre. Je n'ai pas envie de voir des autres films cette année. Je veux terminer vraiment l'année sur ce film-là parce que c'est rare hein, qu'un film comme ça arrive. Et parce que mon top était à peu près fignolé. Hein. Comme je dis, il a foutu un bordel. Mais même dans mon top actrice, cette actrice est bouleversante. La réalisation est top. Le scénario, c'est le meilleur scénario que j'ai vu cette année. En plus, je trouve qu'il va pas dans la facilité. Il va pas dans le côté un peu oui, d'accord, on va montrer une Chine un peu avec un regard pessimiste. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, alors c'est le seul point que je vais vous spoiler, c'est que la troisième partie se passe pas en Chine, se passe en Australie, vu que les personnages évoluent, et on parle justement de la Chine, qu'est-ce qu'était la Chine avant, et c'est intéressant de voir que les personnages en 2025 disent « Ah, mais il y a 10 ans, en 2014, la Chine c'était comme ça, et nous on vit à cette époque-là, et on se rend compte que le film est dans le vrai aussi. » Donc voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps sur... Enfin, je vais pas m'attarder plus sur le discours politique du film, mais c'est un film qui a vraiment tout en un. C'est un film politique, c'est un film d'émotion, c'est j'ai pas les mots. Mais vraiment, ce film est un chef-d'œuvre. Et c'est, je pense, le film le plus beau que j'ai vu cette année. Mais vraiment. Et j'ai failli le louper, hein, parce que je devais pas le voir. Je me suis dit, bon, voilà, les films d'ARS, j'en ai pas vu un de bien cette année, malheureusement, les films d'auteurs comme ça. Et Jazanke, déjà, c'est parce que je m'étais rappelé de Touch of Sin, j'ai dit non mais Touch of Sin, je voulais pas le voir non plus, j'y suis allé et ça avait quand même été une grosse claque. Mais Touch of Sin, ça avait été une claque de violence, là c'est une claque d'émotion. Mais vraiment, ce film est juste, c'est la grâce ce film, c'est inouï. Il va me marquer comme avait marqué The Tree of Life avant. Parce que si je veux résumer le film de façon simpliste, c'est l'amour, la vie, le deuil, voilà, c'est sublimé par la caméra de Jazanke, et voilà, c'est un auteur, c'est un grand réalisateur, un grand scénariste, hein, ce film est juste une pépite. Mais allez-y, si vous pouvez y aller, je pense que si vous voyez, ou même ouvrez-vous, hein, je pense que c'est, parce qu'on m'a dit, j'ai épluché un peu les critiques, parce que Jazanke, c'est quand même un réalisateur très, très, très connu en Chine, hein, c'est un des plus grands réalisateurs chinois, comme nous on a Audiard et compagnie en France. Et il paraît que c'est son film le plus accessible, donc honnêtement, allez-y. Et je veux bien le croire, parce que le film est pas compliqué, c'est un film qui est quand même dans la lenteur, un peu dans les personnages macèrent un petit peu, mais c'est bouleversant, franchement, j'avais pas les mots quoi. Je tremblais sur mon siège à la fin. J'ai croisé le directeur du cinéma avec que j'ai salué juste avant de voir le film. Il m'a vu, mais il m'a dit, mais ça va? Je fais oui, j'ai besoin de m'en remettre là. C'est une perle. Vous venez de Kingsman, j'avais été unanime. C'est la première fois que je retrouve un film où je me dis, où je suis autant unanime à la sortie, où je me dis putain, pas unanime, mais autant enthousiaste à la sortie quoi. Les films cette année, oui, j'adore les films, même Pan, souvenez-vous de Pan, je l'adorais Pan. Au-delà des montagnes, c'est vraiment, qu'est-ce que j'aime voir au cinéma, si on me pose la question, Au-delà des montagnes, c'est tout ce que j'aime. La symbolique, la richesse des personnages, les acteurs qui jouent mais magnifiquement, il y a de l'émotion, c'est, oh là là, c'est, il n'y a pas de mots. Et moi, je viens de recevoir... une super bonne news, parce que je viens de voir que mon cinéma d'art et d'essai vient de poster le programme de la semaine prochaine et il y passe. Mais il faut vraiment que tu le vois. Maintenant, j'ai peur, Axel, de te le survendre un peu. C'est un peu délicat mais quand j'adore, on est... J'adore A Touch of Sin, c'était un de mes films préférés de 2013, bon, c'est bon, même tu si j'ai l'aimer. Pas pu le voir avant 2013. T'as pas été gêné par le... Parce que Jazanke, bon, j'ai vu, je me base vraiment sur A Touch of Sin et celui-là, c'est un rythme qui est lent. Hein. Oui, mais... Non, mais je connais, hein, y a pas de souci. Justement, moi, je pensais pas du tout qu'il allait passer, et là, ils ont annoncé pour la semaine prochaine qui serait à l'affiche, donc là je suis hyper content en plus parce que tu me l'as super bien vendu. La scène de fin, pense à moi, la scène de fin, mais c'est... De toute façon, je pense que de toute façon il sera dans ton top, c'est obligatoire. Oui, donc, oui, non, mais c'est oui, il y sera, voilà. Oui, ça c'est sûr. On en reparlera. Dans l'émission des tops. Et ça me fait plaisir parce que je trouvais que cette année, je regardais un peu mon top, il y a quand même que des gros films. Ouais. Et là, je me dis, il me manque le film d'auteur, le film un peu. Je vais pas faire mon snob, hein, au contraire, je suis pas du tout comme ça, hein, vous le savez. Mais c'est vrai que j'aime bien défendre des, entre guillemets, des petits films parce que c'est un film d'auteur, mais c'est un gros petit film d'auteur, tu vois ce que je veux dire, c'est pas plus... C'est un gros film pour la Chine, parce que il n'y a pas énormément de films chinois qui viennent chez nous, du coup, il y en a peut-être 10 par année et encore. Et Jason Kay, c'est un abonné du festival de Cannes, enfin à chaque fois il y va, mais c'est... on parlait de Cannes, ma Palme d'Or ça aurait été celui-là, mais direct. Je comprends pas comment on a pu donner la Palme d'Or à Dipan, qui est pas terrible, qu'Au-delà des montagnes soit passé inaperçu. Il me semble qu'il a rien gagné. Là, je suis en train de voir, il a rien gagné du tout. Même Emmanuel Berko dans Mon Roi, je l'ai adoré, mais le prix d'interprétation féminine, c'était pour Cao Tao. C'était, il n'y avait pas. Il y avait qu'elle, quoi. C'est Cannes. C'est Cannes, mais ça. Ils font chier, bordel. Pourquoi ils récompensent pas les grands films comme ça? J'espère ne pas te l'avoir survendu, mais on parlait en off, t'as adoré Kaguya, et je trouve qu'Au-delà des montagnes, c'est la touche de poésie qui manquait cette année. Et la poésie très subtile. On en parlait en off, et justement, je t'avais dit que Kaguya, pour moi, c'était la touche de poésie de l'année dernière, et que j'avais pas retrouvé ça cette année. Ouais. J'espère le retrouver avec Au-delà des montagnes, je pense... d'après ce que tu m'en dis, d'après ce que tu me dis, et moi de toute façon j'adore le cinéma de Jason. Dès le début, et sans te spoiler, la scène du début fait écho à la scène de fin, et c'est là que tu vois l'évolution d'un seul et même personnage, et comment tout est calculé dans cette scène. Il y a un contraste énorme entre le début et la fin, la première scène du début, la scène de fin, il y a un contraste énorme, et voilà, la musique, hein, ouais. La musique phare du film, c'est Go West de Pet Shop Boys, c'est très très symbolique pour le personnage et pour le scénario du film, et c'est magnifique, quoi. Je veux dire, effectivement, quand je disais oui, il y a eu des films poétiques cette année. Quand je disais Pan, c'est poétique. Mais on s'y attend. Mais en même temps, Pan, c'est de la poésie un petit peu au forceps quand même. Malgré tout, forcément, on met un pays imaginaire, on met des petites fées. Forcément, c'est poétique. Mais là, c'est de la poésie hyper subtile. C'est écrit avec... c'est super bien écrit. Et en plus de ça, et c'est ça aussi que je redoutais malgré mon attente, c'était comment il allait orchestrer le futur. Comment il allait... Parce que on peut pas dire que le cinéma chinois soit le plus, servi en matière de budget, enfin voilà, c'est pas Minority Report, tu vois, parler de Spielberg. je trouve qu'honnêtement, en matière de film, c'est quoi le futur? Mais c'est la première fois que je vois un film futuriste en me disant, je pense que le futur c'est ça. D'accord. Tout est subtil, même dans la description du futur, c'est visuel, il y a un côté même un peu visuel dans le troisième acte, mais tout me semble, pertinent, juste bien pensé, bien écrit, réfléchi. C'est un film qui déborde d'émotions, d'intelligence, j'ai pas les mots. Okay. Je suis très Patrick Sébastien là, quand je parle de ce film là, mais je suis désolé. Si vous avez pas envie de le voir, c'est que vraiment, moi ça m'a vraiment super donné envie de le voir. Je t'encourage à y aller, j'espère que tu vas l'aimer. Je vais courir le jour de la sortie au cinéma d'art et d'essai. Je pense pas qu'il y aurait énormément de monde, il y a toujours Star Wars qui passe à côté, donc du coup. Tu vas pas être emmerdé là. Voilà. Donc je vais courir pour aller le voir. Puis comment je vais vraiment faire le snob Télérama, mais un film qui s'appelle Au-delà des montagnes, mais comment on n'a pas même un titre pareil, c'est trop beau. c'est magnifique. Et quand on voit le film, on comprend. Moi, avant le film, c'est quoi le rapport entre. Quand on voit le film, on comprend un peu. Enfin, tout le titre est symptomatique de toute la poésie. C'est un film qui joue aussi sur énormément de symbolisme. Et je trouve que le cinéma asiatique, en général, arrive à le faire. Ils arrivent à jouer sur le symbolisme et c'est jamais lourd. C'est toujours assez bien subtil. Et voilà, le film est très fort dans son propos. Il y a un propos politique évident qui est moins prégnant que dans Touch of Sin, qui était un film qui jouait beaucoup là-dessus, même si Touch of Sin, comme il était un peu scindé aussi, lui, sur plusieurs points de vue, avec des personnages qui se rencontrent, etc., il y avait vraiment un côté, il y avait un côté romanesque aussi, et là, on retrouve un peu cette veine-là, et c'est pour, voilà, c'est pour moi, c'est le film le mieux écrit de l'année, sûrement le mieux réalisé, sûrement, enfin, pour moi, j'ai rien à lui reprocher, mais vraiment, là, ça fait 4 heures que je l'ai vu, mais je reviens toujours pas. Mais je vous jure. D'accord. Voilà. Ok. Bon, voilà, on a fini pour la rubrique des coups de cœur, coups de gueule et découvertes. Si vous avez pas de. Coup de cœur, même coup de cœur, c'est un faible mot, c'est. Film de ma. Mais il rentre au panthéon de mes meilleures expériences cinéma depuis que je suis né. Enfin, depuis j'ai la carte passe depuis 2010, et depuis 2010, ça faisait un moment que j'avais pas vu un film qui m'avait autant. Ok, d'accord. Voilà. Bon, voilà. on va passer au film du mois. Je sais pas si tu seras aussi enthousiaste. Voilà. On en parle tout de suite dans la rubrique du film du mois. On est à la rubrique du film du mois où on va vous parler du Pont des Espions, donc Bridge of Spies, le titre original, réalisé par Steven Spielberg, bien sûr, sorti en France le 2 décembre 2015 et aux États-Unis le 16 octobre 2015. On retrouve à la distribution Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Alan Alda, Austin Stowell, Jesse Pimmons et Dominique Lombardosi. Le synopsis rapidement, parce que ce serait assez dur de vous faire un synopsis concis qui comprend tout le film. Donc James Donovan, un avocat de Brooklyn, se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l'envoie accomplir une mission presque impossible, négocier la libération du pilote d'un avion espion américain qui a été capturé par les soviétiques. Voilà. Et tout se passe à Berlin pendant la guerre froide, à la construction du mur de Berlin. D'ailleurs, on voit le magnifique début du mur de Berlin. Ouais. Voilà. Donc c'est un film de Spielberg qui a passé un peu. Enfin, c'est sûr qu'il n'y a pas eu autant. Si, il y a eu quand même de la pub, mais il y a eu de la pub, mais il a été. Ça a été très très évincé par Star Wars. Donc moi, alors que le film est sorti bien avant. Il est sorti deux semaines avant. Ouais, ouais. Mais tout le monde commençait à être super impatient de voir Star Wars, etc. Et personne n'a. Enfin, si, il y a quand même du monde qui allait voir pour des espions, faut pas exagérer. C'était pas non plus le film dont tout le monde parlait. Et j'ai oublié de dire un truc super important en plus, c'est que le scénario, a été écrit par Joel et Ethan Coen. C'est quand même assez important parce que c'est une des premières. C'est la première collaboration entre Steven Spielberg et les frères Coen. Et ça se voit que c'est eux qui l'ont écrit, parce qu'on retrouve quelques touches de leur cinéma. Voilà. Toi, tu l'as vu il y a plus longtemps, donc je vais peut-être te laisser en parler de ce que tu te souviens du film. Un excellent souvenir. J'avais dit, et je le pense toujours d'ailleurs, que c'est aussi une claque de mise en scène. Je vais un peu dire les mêmes qualités que j'ai concédées au Terminal. Au Terminal. Mais c'est dur de parler d'un film de Spielberg sans parler des autres. Parce qu'il y a toujours les mêmes qualités, mais toujours un peu différemment, mais c'est pas non plus. On me dit Spielberg, et j'ai remarqué dans mes micro-critiques, quand je fais des micro-critiques sur un film de Spielberg, il y a souvent le terme humaniste qui revient à chaque fois. Ouais. Mais c'est tellement comme ça que je vois le bonhomme que bah, quand j'ai vu Le Pont des Espions, je me suis dit, bah, encore un grand film humaniste. Et mm-hmm. encore une fois, c'est pas mièvre, au contraire, c'est... C'est un film politique. C'est politique, mais pas très... Mais c'est pas non plus... Moi, je vais juste le dire, j'avais vraiment peur du sentiment patriotique américain à l'extrême. Oui, alors que l'affiche web vendait un peu ça, hein, voilà. Avec le drapeau. Bon, ouais. Il est quand même un petit peu présent, mais c'est pas non plus... Ce à quoi on pouvait s'attendre en même temps avec Spielberg, ça aurait été un peu décevant que ce soit vraiment très très patriotique et qu'il n'y ait pas un mini regard critique en fait, quand même envers les États-Unis. Il y en a un, hein. Mais. Je ne sais pas si on pense au même, on va pas spoiler, mais moi j'ai remarqué qu'il y avait un. La scène de fin. La scène de fin aussi, mais il y a aussi le fait que. La réaction des Américains vis-à-vis de, enfin du peuple américain, ouais. vis-à-vis des actes de cet avocat. Ouais, exactement. Qui se fait quand même agresser vu qu'il défend un communiste, quoi. Voilà. Et c'est là qu'on... Donc normalement, c'est sans, enfin, il est sans, enfin, c'est dans le principe de la démocratie, c'est que tout le monde doit être représenté. Défendu. Voilà, défendu à égalité. Jugé à égalité. Le droit à un procès équitable. Il respecte ses engagements, mais le peuple, lui, au contraire, pour lui, c'est un. Il détruit sa maison, il tire des balles, quoi. Il tire des balles, il insulte de traître, ils veulent sa mort, même. Ouais. C'est à ce moment-là que je me suis dit, bah non, le film n'est pas patriotique, au contraire, il a un regard quand même critique sur le peuple américain, et venant de Spielberg, bah, c'est pas plus mal, et c'est pas donneur de leçons non plus, parce que encore une fois, Spielberg ébloui par son humanité et du coup le personnage joué par Tom Hanks, c'est pas l'américain avec un grand A qui va défendre l'Amérique, c'est monsieur tout le monde en fait, c'est monsieur tout le monde qui est un peu intégré malgré lui, parce qu'il l'a même pas décidé, c'est son supérieur qui lui a dit bah écoute t'es sur l'affaire, donc il le fait parce que c'est quelqu'un qui aime bien faire son travail honnêtement, donc il respecte la hiérarchie, et je trouve que Spielberg arrive à le montrer avec énormément d'humour et d'humanité. Encore une fois, humanité, c'est un terme que vous allez entendre beaucoup dans ce que je vais dire. Mais en même temps, le film, pour moi, c'est ça. C'est difficile de ne pas le défendre sur ce côté parce que y a vraiment. On voit la relation qui se crée entre le personnage. D'ailleurs, Mark Rylance, c'est une grosse découverte du film. Ouais, il est excellent. En second rôle, il est excellent. Donc, c'est l'espion soviétique. Certains diront que c'est édulcoré. Ils diront, mais il le rend sympathique. Mais non. Ouais, non oui, mais... non. Parce que au début, justement, la scène d'intro est juste. On n'est pas sûr de ses intentions. On n'est pas sûr. Hein. Même jusqu'à la fin, je trouve qu'on n'a pas. Non. Mais en fait, il est très mystérieux. En même temps, il est très attachant. Et pourquoi ? Encore une fois, parce que c'est pas ça qui intéresse Spielberg. Ce qui intéresse Spielberg, et c'est ça qui me plaît quand Spielberg fait un film, on va dire, historique, et c'est de nous raconter la grande histoire par le biais d'une petite histoire que personnellement je ne connaissais pas. Donc c'est un film qui historiquement est passionnant et on a oublié de le dire, c'est tiré d'une histoire vraie. Oui. L'échange entre l'espion soviétique et le pilote d'avion américain a été fait en réalité dans la vraie vie sur ce pont où a été tourné le film. Donc voilà. On le sent d'ailleurs, le pont, tu parlais de plan iconique dans le terminal, le pont à la fin. Il y a une avalanche de plans qui sont incroyables. Un des plans finaux de Tom Hanks sur le pont. On le voit dans la bande-annonce. Moi, ça a été. Quand je suis rentré de la séance, je suis allé sur internet, je me suis mis en fond d'écran et je l'ai encore en fond d'écran. Parce que, c'est vraiment une scène qui m'a marqué. C'est tout. Encore une fois, c'est la qualité du cinéma de Spielberg qui allie plan iconique et en même temps, encore une fois, c'est un conteur d'histoire, il le fait magnifiquement. Il n'y a pas le côté preuve d'histoire. Il nous raconte une histoire en s'inspirant de faits réels. Donc, du coup, je trouve qu'historiquement le film est passionnant, mais qu'il n'a pas non plus des vocations de nous donner un cours politique, idéologique ou machin chouette là. Honnêtement, l'expression de vieux. Et du coup, c'est en ça que j'ai trouvé que le film était réussi. Et le ton un peu, on va dire un peu plus léger du film, les scènes un peu écrites avec une petite un humour assez subtil. Et ça, ouais. Je pense qu'on le doit aux frères Cohen, qui, je pense que s'ils n'avaient pas écrit le film aurait pu être un espèce de pamphlet politique un petit peu indigeste. C'est pour ça que j'aime pas trop Lincoln. Lincoln, voilà, je vais faire mon meilleur coup de pas sur Spielberg. C'est pareil. Spielberg, c'est pour moi, académique. C'est, je l'adore quand il raconte une histoire comme ça, parce que justement, j'ai pas l'impression qu'on me donne un cours, ou j'ai l'impression qu'on me donne une leçon. On me raconte une histoire, une fiction cinématographique, mais qui en même temps est historiquement réelle. Et ça, j'aime bien quand on allie qualité cinématographique et on va dire culture générale, parce que j'ai appris des choses en voyant le film, mais en même temps, en matière de cinéma, en matière de qualité cinématographique, j'ai vu, pour moi, ce qui est un des films les mieux réalisés que j'ai vu cette année. Ouais. Et Lincoln, pour moi, c'était un cours d'histoire de 2h30 qui était insupportable, c'était un film, qui était purement esthétique, très bien fait, hyper consensuel. Réalisation exceptionnelle, mais c'est tout, quoi. Voilà, c'était un film à Oscar, quoi, malheureusement, académique. C'était hyper académique, et là, j'avais peur de retrouver ça. Mais là, revient en force après Lincoln. Il revient de loin, et c'est en plus, comme tu disais, là il y a des petits côtés humoristiques qui viennent sûrement des frères Cohen. Mais tu retrouves aussi un peu le. Il y a une ou deux scènes, l'ambiance familiale où c'est vraiment un peu plus dans toute cette ambiance. C'est ces scènes là qui m'ont vraiment. C'est vraiment à partir de la scène du repas au début. Ouais. Je me suis dit, j'adore le film. Et on voit la caméra qui tourne autour de la table. On voit le stagiaire de Tom Hanks qui l'aide sur le cas à défendre le Rudolf Abel, donc l'espion soviétique, qui arrive en plein repas, qui dévoile quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Et Tom Hanks, en même temps, qui lui dit prends une assiette, assieds-toi. Là qu'on voit le côté monsieur tout le monde. Mmh. Et je trouve qu'il en fait pas un héros politique ni un héros historique. Il en fait un héros de cinéma, en fait. Et c'est ça que j'aime. C'est pas un cours d'histoire. C'est un film qui, effectivement, on peut le regarder pour s'instruire. Et il marche très bien, vu que le film, j'ai retenu tout ce que le film m'a appris. Mmh. Plus même à la fin, dans le genre de film, il y a toujours, les dernières lignes à la fin, une fois que le générique de fin, avant le générique de fin, il y a toujours le petit bilan au jour d'aujourd'hui, il vit à l'université avec ce machin. D'ailleurs, l'avocat a continué en plus en 1962, avec la crise à Cuba, la crise des missiles à Cuba, où il a pu faire sortir 1113 prisonniers qui étaient condamnés à mort. Des îles de Cuba pour donc c'est quand même quelque chose c'est un personnage qui est assez passionnant, je trouve, et on sent bien que Spielberg il veut pas en faire un héros politique, un héros historique, il en fait un héros de cinéma, et c'est pour ça que le film est réussi. Et Tom Hanks, quand je dis que c'est le meilleur acteur du monde, je peux pas, quand je vois comment ce type est à l'aise dans tout, mais il est à l'aise dans tout, dans les films dramatiques, dans les films plus comiques, dans les films plus légers. Je n'arrive pas à trouver un acteur qui l'égale, quoi. Enfin, en 2013, dans Captain Phillips, il était magnifique. Et là, en termes de scène finale sublime, je retrouve ce que j'avais mis dans ce Captain Phillips. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai toujours pas vu, je sais que. La scène finale de Captain Phillips est juste bouleversante, et je pense qu'il aurait mérité quand même une récompense. Il était nominé, mais il aurait mérité une récompense. D'ailleurs, c'est un peu dommage que pour les Golden Globes, il n'a pas été nominé dans la catégorie. Même le film, d'ailleurs, je crois pas qu'il ait été nominé. C'est un peu dommage, d'ailleurs, parce que je trouve qu'il aurait pu. Golden Globes du meilleur acteur, ça aurait pas été une mauvaise chose. Mark Rylance, il est en second. Ah oui, peut-être. Je crois. Alors je vais vérifier en même temps. Non, c'est que des Golden Globes, meilleur acteur dans un second rôle, Mark Rylance. Ouais, mais on a oublié. Parce que c'est vraiment une découverte de ce film. C'est une découverte, mais Tom Hanks confirme quand même que c'est un acteur qui, avec ça, il porte un film sur ses épaules, il a un charisme, il bouffe l'écran. La scène de fin, je la trouve marquante. C'est une. Ouais. La mise en scène, je peux même pas dire jamais. C'est tellement subtil la fin est subtile. Oui, puis la fin, il y a un côté un peu pareil que dans le Terminal, limite burlesque. Comment il met fin au combat de ce personne, parce que c'est un combat avant tout. Comment il montre que le personnage a achevé son œuvre, comment il le montre. Je pense que les Cohen, on leur doit ça. Mais la scène, elle est drôle. Elle est vraie en plus, elle est touchante, et à ce moment-là, je me dis, ok, voilà, ils ont tout compris. Et là, c'est pas, voilà, j'avais peur du, voilà, du plan drapeau américain, pas du tout. Genre, ouais. On va pas le dévoiler. Ouais. Je trouve ça magnifique, quoi. C'est un grand film. De toute façon, décembre pour moi, c'est un excellent mois. Ouais. Et Spielberg. Alors, je vais faire mon mea culpa. Non, je le ferai après. D'accord. Je vais le faire après. Oui, donc moi personnellement j'ai un peu intervenu, je suis désolé, je pouvais pas oui, contenir. Vas-y, fais-toi plaisir. En plus c'est un film que j'adore vraiment et il est rentré directement dans mon top. T'avais peur, mais je me souviens comment t'avais peur. J'avais peur parce que après avoir vu Lincoln, j'étais tellement déçu, j'étais vraiment déçu. Et voilà, donc Spielberg pour moi revient là vraiment en force. En plus l'année prochaine il y a le Bon Gros Géant qui sort, dans Parlons Cinéma. Et d'ailleurs la version vidéo arrive bientôt, je suis désolé, hein, j'ai pas eu le temps de le faire encore, mais elle arrive très très bientôt. Voilà, Spielberg revient très fort, en plus il a plein de projets, donc j'espère qu'il arrivera à tous les faire. La réalisation est splendide, pleine d'inventivité. Moi, la scène que, enfin, il y a une des scènes que j'ai retenue, c'est celle où Tom Hanks est suivi en pleine rue un agent de la CIA. Où il se cache derrière une voiture, et c'est tellement bien fait. La lumière, voilà. Ouais, la lumière, tout ça. Enfin, c'est toujours le même chef-op, hein, donc, le même qui s'occupe de la photographie. On voit vraiment la patte Spielberg et la patte de Janusz Kaminski. Donc, c'est toujours les deux qui travaillent ensemble. Ça donne des choses magnifiques. Il y a certains plans qui m'ont fait repenser à La Guerre des Mondes, bizarrement. Je sais pas pourquoi. C'est pas faux. Il y a quelques plans comme ça, des plans dans le train, etc. Voilà, c'est des trucs un peu. La scène du train à la fin. Ouais, la scène du train. Merveilleuse. Voilà. Et donc, en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais préciser que. Est-ce que je l'avais tweeté d'ailleurs ? Même un Spielberg. Parce qu'au final, c'est un Spielberg entre guillemets mineur. Mineur. C'est-à-dire que c'est pas mon Spielberg préféré, il est pas dans mon top 5. Mais. Un Spielberg mineur, quand on le voit, c'est un des meilleurs films qu'on voit l'année où on le voit. Je sais pas si j'ai été assez clair. C'est-à-dire la filmographie de Spielberg, c'est mineur, c'est vous dire le niveau. Mais par rapport à tout ce qu'on voit cette année, ce film s'impose. Ouais. En matière de jeu d'acteur, en matière de direction, tout, quoi. C'est pas lourd, c'est un divertissement. C'est limite un peu léger, presque. Mais c'est ça qui fait la force de Spielberg. Je lui ai reproché avant ça. Mais vous allez me détester dans 10 minutes. Je pense. Je vais faire un gros mea culpa. Mais non, il y a toujours cette petite légèreté, mais une soif de raconter une histoire et une intégrité, quoi. Spielberg est, je pense, le réalisateur le plus intègre que je connaisse. Il a pas envie, il fait les projets qu'il a envie de faire et la collaboration Spielberg Tom Hanks me passionne, quoi. Je trouve que Tom Hanks s'épanouit tellement chez ce réalisateur. Là, c'est vraiment la trinité qui fait. Qui fonctionne à merveille, hein. C'est Spielberg, les Cohen d'un côté, et Tom Hanks, le trio, quoi, ça donne. C'est parfait. Voilà. C'est un des grands films de l'année aussi, quoi. Beaucoup de grands films de l'année. moi, ce qui m'a aussi passionné, c'est le souci du détail sur les décors, les costumes et toute l'ambiance de la guerre froide. C'est beau à regarder. Ouais, le Berlin Berlin Est, si je me trompe pas, côté soviétique, mais on a vraiment l'impression d'y être. Bon, j'y suis jamais allé, hein. Je suis jamais allé à Berlin. Je sais pas si ça, enfin, il y a sûrement encore quelques décors en ruine. Je sais pas. Enfin, ici, ils ont tourné à Berlin certaines scènes, mais le décor est splendide. Il a le souci du détail, Spielberg, et je pense qu'en termes de reconstitution, je pense que c'est pas tant que ça éloigné de la réalité, hein. Je pense qu'il s'est vraiment documenté. Spielberg, c'est un passionné d'histoire, de toute façon, quand on fait un récap de ses films, La Liste de Schindler, Soldat Ryan, tout ça. Soldat Ryan, c'est pareil. Bon, il me semble qu'il avait la scène d'intro, il l'avait tourné en Normandie. C'était en Angleterre, je crois. Alors là, faut que je vérifie mes sources, mais je suis quasiment sûr que c'était un. Bon, je me rappelle plus, il faut sauver le soldat Ryan, mais la scène d'intro, je l'avais vu. Tous ceux qui ont vu le film Le Soldat Ryan se souviennent de la scène d'intro. De la scène d'intro. Voilà, mais moi, j'ai aucun souvenir du film sauf la scène d'intro. Et j'ai le souvenir que je m'étais demandé s'il avait vraiment tourné ça. Voilà, c'est qu'en termes de reconstitution, Spielberg fait extrêmement attention, il a le souci du détail, c'est à ça qu'on reconnaît les grands. Il a quel âge ? 64 ans, je crois. Oui, je crois à peu près. Je crois que c'est même pas objectivement. J'avais toujours dit Tarantino, réalisateur préféré. Spielberg, il a quand même un... Je sais pas, il... je reviens de loin, hein, on va en parler. Ouais, on en parle juste, je finis rapidement, de toute façon j'ai pas eu grand chose d'autre à rajouter parce qu'on a déjà dit pas mal de choses sur le film. Donc ouais, tout ça, tous les décors, tous les costumes et tout ça, ça fait vraiment mouche, on est dedans du début à la fin sans jamais douter de quoi que ce soit, donc c'est vraiment très très... c'est souci du détail, tout est crédible et c'est une grande force du film. Tom Hanks, Mark Rylance les autres acteurs sont très très très très bons. Moi j'ai vraiment passé un super moment. En plus le scénario des frères Coen est passionnant de bout en bout. Ouais, comme j'ai dit, j'avais peur un peu du patriotisme américain, mais c'est pas le cas. Il y a pas du tout. Il y a pas de patriotisme. Donc il est le film est touchant et drôle parfois, mais surtout vraiment captivant. L'histoire nous tient en haleine et ne nous laisse pas sur notre fin. En plus j'ai trouvé le film assez imprévisible parce que jusqu'à ce qui se passe, ce qui doit se passer, on sait pas comment ça va se passer. C'est vraiment si on n'est pas documenté sur ce qui s'est passé dans la réalité, on peut tout imaginer, tous les scénarios possibles, et du coup c'est vraiment la force. Il sait tenir son public en haleine et ça fonctionne. En plus le film il dure 141 minutes, donc c'est 1h20 à peu près. Ouais, ça passe crème. Voilà, et on 2h20, pardon, qu'est-ce que je raconte. On voit vraiment pas passer le temps, donc et la musique, par contre, c'est Thomas Newman qui a fait la musique parce que John Williams devait la faire. Il a eu des soucis de santé. Je croyais qu'il était occupé sur Star Wars. Non, il a eu des soucis de santé. Ah. Il a dû se faire poser un pacemaker, je crois. Donc du coup, voilà, c'est Thomas Newman. C'est de la bonne. C'est pas non plus n'est pas John Williams qui veut, mais ça passe très très bien. Il y a quelques morceaux qui sortent du lot et qui sont certains de mes morceaux préférés de l'année viennent de ce film. Donc voilà. Bon, pour le coup, la musique je l'ai pas vraiment retenue, mais dans l'ensemble. Non, mais Thomas Newman c'est quand même un grand. Hein, faut pas déconner. Hein, mais c'est vrai que Spielberg, j'aime bien le voir avec John Williams. Voilà, John Williams chez Spielberg, c'est un gage de qualité. Donc. C'est ça. Donc Thomas Newman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait la musique du Monde de Nemo, par exemple, ou de Skyfall, ou de Wall-E, etc. Enfin voilà, je donne des exemples que tout le monde peut connaître. Donc c'est pas non plus n'importe qui, mais c'est pas non plus John Williams. Voilà. Donc c'est bon, tu peux faire ton mea culpa. Moi j'ai fini. Moi je conclue rapidement en disant que j'ai vraiment adoré le film et qu'il est allé dans mon top directement. Je dirais pas à quelle place parce que je vais vous garder la surprise. Oui. Mais ça a été un de mes films de l'année, ça c'est sûr. Bah, de toute façon, on va faire la rubrique. Non, comme on l'a dit en début de podcast, on va faire un top 5. Et juste avant de dire mon top, je ferai un mea culpa par rapport à Spielberg. Ouais. Si t'écoutes ce podcast, si vous écoutez ce podcast, monsieur Spielberg. Ouais, désolé, Stevie. Hein, désolé. je commence. Vas-y. Alors. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, c'est à l'époque Lincoln, je crachais sur Spielberg, mais d'une force, mais vous avez même pas imaginé. Il y avait une espèce de virulence quand je parlais de lui. J'ai été jusqu'à dire que Spielberg n'était pas un grand réalisateur, mais était qu'un faiseur, qui avait, je trouve, fait sa... T'as vu, je rajoute l'effet dramatique. Oui, voilà. Bah ça, c'est... Non, et encore, c'est gentil, parce que les gens qui vont... J'ai eu des débats, mais virulents, et on peut le dire avant, Eddie et moi, que vous connaissez, on a eu des embrouilles, ça a même été jusqu'à des embrouilles personnelles, on se détestait avant de... Ah oui, et je me souviens d'un article que j'avais posté, c'était une news par rapport à Lincoln... bon, en même temps, c'était pas la bonne période non plus pour aimer Spielberg. C'était le fait que Spielberg voulait arrêter. Ah oui, d'ailleurs, il a pas respecté ce qu'il a dit. Il avait dit à l'époque que Lincoln était son dernier film politique. Et moi, j'avais rajouté si ça pouvait être son dernier film tout court. Et là, il y a Eddie, mais t'es tombé dessus. Mais vraiment tombé dessus en disant que... Je te serais tombé dessus si je t'avais connu à l'époque. Ouais, ouais, ouais, mais j'ai honte, hein. Et avec Eddie, voilà, on a eu quand même des grosses embrouilles tous les deux. Maintenant, Eddie, je l'adore. Moi, j'y fais des gros bisous s'il nous écoute. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que je n'avais pas vu les fondamentaux de Spielberg. J'avais pas vu Minority Report, j'avais pas revu La Guerre des Mondes, j'avais pas, j'avais juste en mémoire Le Terminal, et je crois que c'est à peu près tout. Alors je n'aime pas La Liste de Schindler, c'est un film que je n'aime pas, je suis désolé. Ouais. Et E.T., c'est pas un film qui m'a touché du tout, mais je pense qu'E.T., le défaut que j'ai eu, c'est que je l'ai vu quand j'avais... je l'ai vu en 2013 au cinéma. Il était repassé au cinéma et je l'avais... Cinéma. Ah, le rêve. Je l'ai pas vu... J'ai pas rêvé, moi, justement. Mais je pense que je l'ai vu trop vieux, malheureusement. J'ai pas été touché par l'histoire. Mais en 2014, c'est à ce moment-là où je me suis dit, et si je m'étais trompé, j'ai découvert Jurassic Park, parce que je l'avais jamais vu. J'ai découvert Les Dents de la Mer, que je n'avais jamais vu. Oui, ça existe. Non, mais moi, je l'ai découvert aussi assez tard. Et ensuite, j'ai revu Arrête-moi si tu peux. J'ai revu... Enfin, voilà, je me suis refait une culture Spielberg. Et je suis vite revenu sur mes propos. Parce qu'effectivement, Spielberg n'est pas un faiseur, c'est un génie. Ouais. Et effectivement, je disais que Spielberg était un faiseur, oui. J'avoue, je l'ai dit. Maintenant, je ne pense plus. Donc vous non, pouvez... mais c'est très bien d'avouer ce que non, mais à tel point qu'aujourd'hui, comme j'ai dit juste avant qu'on lance le débat, Spielberg, c'est peut-être mon réalisateur préféré. Ouais, moi c'est mon réalisateur préféré. Oui, il y a Tarantino. Mais Tarantino, j'attends de voir Les 8 salopards avant de me prononcer vraiment. Mais Spielberg, je me dis, mais est-ce que je connais un réalisateur avec une filmographie aussi riche, aussi trans? Parce que dans le précédent podcast, j'avais dit que c'est dans un parlant cinéma, je crois. Oui, quand on parlait du Bon Gros Géant, où je disais que Spielberg, il a révolutionné le cinéma avec 3-4 films. Normalement. Un réalisateur qui révolutionne ou qui transcende quelque chose, c'est limite une anomalie. Ça arrive qu'une fois dans une carrière. Et Spielberg, lui, avec Jurassic Park, avec Les Dents de la Mer, enfin, E.T., et même La Guerre des Mondes, d'ailleurs, je trouve. Mm. Je trouve qu'il a apporté sa pierre à l'édifice. Il en a apporté plusieurs, même. Et pour moi, c'est quand je pense cinéma, je vois Spielberg, quoi. C'est cet homme est un génie qui a fait rêver mes grands-parents, c'était plutôt Charlie Chaplin que Spielberg. Il a fait rêver mes parents, il m'a fait rêver moi, et il continuera à faire rêver les gens à travers. Et enfin, pour moi, c'est le plus grand. Pour moi, c'est même un Spielberg mineur. Bon, il y a des mauvais films de Spielberg. Effectivement, il y a des films que je n'aime pas. Je n'aime pas Lincoln. Je n'aime pas La Liste de Schindler. Je suis désolé. Là, pour le coup, La Liste de Schindler, je trouve qu'il tombe dans le côté un peu pas donneur de leçons. Je vais pas me permettre, hein, parce que c'est un sujet un peu délicat. Mais le côté un peu court d'histoire, et ça, c'est pas ça que j'aime chez Spielberg. Même s'il s'autorise à la fin une scène un peu larmoyante, mais je trouve que c'est un peu too much. Et j'ai vraiment du mal. Par contre, bah à côté, Jurassic Park, c'est formidable. La Guerre des Mondes, j'en parlerai après. Bon, enfin, Minority Report. Ah oui, Minority Report, ça aussi, ça a été une claque, quoi. Vraiment, ouais. Minority Report, waouh. Et c'est, aujourd'hui, je le dis, Spielberg, pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Et non, pour moi, c'est un grand. C'est même le meilleur. Ouais, ok. C'est limite un peu. Il y a un peu de ça aussi. Ce Spielberg cinéma, c'est un peu classique. C'est un peu le réalisateur sûr, populaire. Après, on peut pas se censurer par rapport à ce qu'on ressent devant les films. Hein. C'est pas parce que c'est grand public qu'on n'a pas le droit d'aimer. Enfin, c'est voilà, ça. Non, mais j'avoue, j'étais un peu dans cette mouvance là. Mais bon, moi pour aussi, le coup, parfois, ça m'arrivait aussi parfois de faire pour ça. Star Wars, par exemple, là, Star Wars, il y a un côté que tout le monde veut le voir et ça te saoule. Bah là, moi, voilà. Spielberg, il y avait un peu de ça. Alors, il y a sûrement de ça, tu vois. Il y a 3 ans, et effectivement, j'avais dit que. Je vous en ai parlé en off. Il y a 3 ans, je pense que j'étais pas totalement honnête. Je boudais un petit peu mon plaisir sur mes anciennes critiques, notamment. Effectivement, j'allais voir des films d'auteur et je snobais un peu les blockbusters. J'avais un côté un peu bobo et j'ai un peu honte quand même des critiques. critiques que j'écrivais avant, parce que je trouvais qu'il y avait énormément de mauvaise foi dans mes critiques. Je le reconnais, et Eddie a été le seul à me le dire avant, d'ailleurs. Et pour ça, je pense qu'avant, j'étais un petit con qui acceptait vraiment pas la controverse, qui imposait un peu son avis, et maintenant, j'essaie vraiment d'être prudent sur ça. Et Eddie, d'ailleurs, a été le seul qui me le disait, et je peux là aujourd'hui, bah, mea culpa totale, je peux pas lui donner tort, parce qu'effectivement, je pense que j'avais un côté un peu snob qui avait du mal avec les films grand public, et Spielberg étant le réalisateur le plus grand public, limite le plus accessible, parce que c'est voilà, il y a des grands réalisateurs où voilà, c'est pas du tout des réalisateurs populaires accessibles pour le grand public, mais Spielberg, oui, c'est des films universels. Moi, dans la salle, il y avait du Pont des Espions, il y avait des jeunes de 12-13 ans, quoi, et puis qui ont adoré le film. Hein, sont sortis, les parents, t'as aimé, ah ouais, c'était bien, j'ai adoré. Enfin, et Spielberg, il raconte des histoires, mais en même temps, c'est des petites leçons de vie, voilà. Et je peux, là, honnêtement, aujourd'hui, non, je veux pas être un vieux con, un jeune con, hein, j'ai quand même 3 ans, mais Spielberg est pour moi un génie. C'est voilà. Le cinéma, c'est Spielberg. Ben voilà, oh, après bon. Toutes ces bonnes paroles, on va peut-être passer à notre top sur imposé Spielberg. Imposé par moi. Oui, voilà. Donc on revient tout de suite après ce petit jingle sur notre top Spielberg. Picture a child sitting next to a projector, learning from your films to become a much better director. Now picture a $3 billion dream machine who can blockbust all over your crop just to see. Try to duel with me, Alfred, you must be psycho. I'll bring back Jaws and take a bite of your lifebo. I'm always so on top of my game, I get the vertigo. My jet's in the terminal waiting for me to murder ya. I rock the Academy and the DGA. Hey. You rock as many Oscars as that slap Michael Bay. Time you're filling up those jowls with three steaks and souffle. Check the trade, see me amble to my next big play. I produce cartoons and make games for all ages. You produce Jimmy Stewart making one of two faces. Maybe next time I visit you'll be a bit more gracious. I'll kiss my full moon and just bask in my grace. Donc on est à notre dernière rubrique, un peu spéciale cette fois-ci. Comme je vous l'avais annoncé, on fait un top 5 de nos films préférés, de nos films de Spielberg préférés. Et donc on fait un numéro chacun, donc on donne chacun notre top 5, notre top 4, voilà, etc. Vous avez compris. Donc on va commencer avec le numéro 5 pour Morgan. Alors le numéro 5, c'est Les Dents de la Mer. D'accord. Pourquoi ? Parce que grand film, révolutionnaire, très immersif, brillant à chaque plan, de faire d'un monstre marin, enfin d'une créature sous-marine, un grand personnage de cinéma. Parce que c'est ça, hein, le requin dans Les Dents de la Mer, ouais. C'est clairement un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, ouais. Alors que c'est un animal. Et quoi. On le voit donc quasiment pas. Déjà à l'époque. On le voit, voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Godzilla. Ouais. Ils ont pas tellement réussi. Voilà. Mon cinquième, c'est E.T. C'est pas que un souvenir nostalgique, pourtant. Enfin, c'en est un, mais j'adore le film. À chaque fois, je le revois. Je sais que tu n'aimes pas trop E.T. On en a parlé juste avant. C'est pas que j'aime pas, c'est que ça me touche pas. Ouais, le film me touche pas. Je l'ai vu trop vieux. Mm. Je l'ai vu, j'avais 22. J'en ai parlé en plus. J'en ai parlé juste avant. Donc, ça me touche pas, mais. Moi ça me touche à chaque fois que je le vois et je suis à chaque fois dans l'histoire, j'adore ce film vraiment. Voilà. On passe au numéro 4 de Morgan. On en a parlé en début de podcast, le Terminal. Premier Spielberg et le seul Spielberg que je continuais à ne pas bouder en fait. Voilà, un grand film, une grande fable, touchante, émouvante, drôle, et Tom Hanks quoi. Moi c'est ça, le quatrième, donc ça va faire plaisir à Eddie, même s'il va pas trop être content qu'il soit en quatrième, donc c'est en même temps c'est difficile, hein. C'est Jurassic Park, parce que ça a été vraiment une foule d'émotions à chaque fois que je le vois. Je me prends une grande claque à chaque fois que je vois des films de Spielberg, de toute façon, c'est à part certains, en tout cas Jurassic Park, ça a révolutionné la technique à l'époque et ça continue de m'impressionner à chaque fois que je le vois. Voilà. On passe au troisième de Morgan. J'aurais pu mettre Jurassic Park, mais mon troisième film, c'est Minority Report. Grand film de science-fiction dont je gardais un très très mauvais souvenir. J'avais le souvenir d'un film extrêmement chiant, et quand je l'ai revu à l'époque où je me suis refait un peu des Spielberg pour me refaire un petit avis, en fait non, c'est un film assez visionnaire, excellemment bien écrit, avec un final que j'ai trouvé assez inattendu, et voilà, Tom Cruise chez Spielberg, je trouve que voilà, j'en parle un peu. Je m'étale pas plus, je veux spoiler sinon. Voilà. Donc moi c'est mon troisième, c'est Les Dents de la Mer. C'est vraiment pas une surprise, hein. Moi c'est un de mes films préférés, Les Dents de la Mer. C'est à chaque fois que je le revois, et puis ça m'a vraiment. Je crois que c'est pas un des premiers films de Spielberg que j'ai vu. C'est un des premiers qui est sorti aux yeux du grand public. Ça m'impressionne à chaque fois le fait qu'il joue avec la peur du spectateur, et qu'il y a des millions de spectateurs qui ont été traumatisés de l'eau après. Ça me paraît complètement dingue, mais pourtant de l'eau, de la mer plutôt, ce film continue de m'impressionner techniquement, aussi les acteurs qui sont exceptionnels. Et tellement de c'est un film traumatisant quand même. Culte. Ouais, c'est un film traumatisant. Tellement culte dans la musique, et puis c'est traumatisant. Ouais. Et la mise en scène aussi, exceptionnelle. Voilà. On passe au deuxième de Morgan. Le deuxième, c'est Arrête-moi si tu peux, avec Tom Hanks et DiCaprio, donc mes deux acteurs préférés, et au service, sous la caméra de, comme j'ai dit, objectivement, mon réalisateur préféré. Maintenant, magnifique histoire, là aussi une histoire vraie, un film plus drôle qu'il n'y paraît, mais c'est un film passionnant, un film qui raconte l'histoire vraie, hein, de Frank Abagnale Jr. qui a en gros escroqué, qui a été c'est un film sur le jeu du chalet à souris, quoi. C'est Tom Hanks qui court après DiCaprio pendant tout le film, et c'est absolument jubilatoire à regarder, et c'est un de mes films cultes, vraiment un grand film. D'accord. Moi en deuxième, objectivement c'est le premier, mais fallait que je fasse un peu dans le subjectif pour le premier. Objectivement, oui. Ouais, objectivement c'est le premier, donc c'est La Guerre des Mondes. Pour moi c'est son grand chef-d'œuvre, celui qui est tellement détesté, surtout aux États-Unis. Mon Dieu. Surtout aux États-Unis, il y a énormément de monde qui déteste, je comprends pas pourquoi. Enfin, c'est aussi Tom Cruise, Tom Cruise à l'époque, etc. Pendant la promo du film. Ouais, c'est ça. La promo du film, Spielberg avait même reçu des menaces de mort, hein, à cause de Tom Cruise, qui faisait l'apologie de la Scientologie à chaque interview. Et les gens n'ont pas voulu aller voir plus loin, alors que le film est extrêmement profond. Le film est exceptionnel. Il est tiré d'un chef-d'œuvre de la littérature, et c'est un de mes livres préférés, et c'est un de mes films préférés aussi, La Guerre des Mondes. Il est exceptionnel. La réalisation est. Mais à chaque fois que je le vois, je suis impressionné. Je suis désolé de dire à chaque fois impressionné pour les films, mais je trouve pas d'autres adjectifs en fait. La guerre, très flippant, ce film, traumatisant, traumatisant. Et puis au niveau des acteurs, Tom Cruise, même si la petite elle gueule un peu trop au goût de tout le monde, c'est vrai. À sa place, je serais pareil. Hein. Ouais, c'est sûr. c'est un film qui m'a marqué et que je prends toujours un aussi grand plaisir à le revoir. Voilà. Et finalement, on passe enfin au numéro 1 de Morgan, mais je pense qu'on va continuer de parler du même film. C'est La Guerre des Mondes. Voilà. Meilleur film d'invasion extraterrestre de tous les temps, meilleur film de Spielberg. Et pourquoi je défends ce film-là? Je vais dans ton sens, parce que ce film est boudé. Alors, les puristes de Spielberg adorent ce film, mais c'est vrai que les Américains... En France, on adore La Guerre des Mondes. C'est ça. Mais les Américains n'aiment pas ce film, à cause de Tom Cruise, alors que... Tom Cruise, comme vous avez pu le voir, Minority Report, tout ça. Moi, je ne juge pas l'homme. Tom Cruise, pour moi, est un immense acteur. Et c'est un grand malade, même. Hein. Moi, j'ai mis dans Mission Impossible, c'est un grand taré. Donc, je fais pas le lien entre la personne qu'il est, même si, paraît-il, il est très cool dans les avant-premières. Tout ça. Donc, moi, c'est la fascination que j'ai pour lui. Et je trouve que dans La Guerre des Mondes, il est exceptionnel. Ouais. Et c'est un film qui, en termes de mise en scène, c'est pour moi. Mise en scène, c'est exceptionnel. C'est la quintessence de son cinéma, quoi. C'est. Ouais. Tellement immersif, tellement effrayant. Il y a des scènes qui m'ont traumatisé quand je l'ai vu au cinéma. La scène dans la cave, elle est Vraiment, mais waouh! Mais même là, j'ai un chair de poule, rien d'en parler. Ouais, mais à chaque fois que j'en parle, j'ai des scènes qui me. J'ai des milliers de scènes qui me viennent en tête, c'est incroyable. Ouais. Je peux en parler là, des heures dessus. Ouais, c'est, pour moi, c'est le Spielberg, le chef-d'œuvre de Spielberg. Ouais. Objectivement, le chef-d'œuvre de Spielberg, c'est Jurassic Park, c'est vrai. Mais c'est pas évident, hein. Donc, et un top, c'est subjectif de toute manière, hein. C'est donc, ça. La guerre des mondes. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'ai un peu triché, je vais l'avouer, hein, je pense que je vais plutôt dire un film. J'avais mis la trilogie Indiana Jones, mais oui, c'est un peu, c'est un peu bizarre. Allez, non, tu le dis. Allez, on a même la trilogie. Pourquoi trilogie? Ah, tu triches là pour le coup. La triche, oui, c'est pas d'avoir mis trois films, c'est d'avoir. En plus, je choisis trois films, et en plus j'en enlève. Ouais, pour le coup là c'est de la triche. Voilà, donc je vais plutôt dire, pour pas tricher, La Dernière Croisade, Indiana Jones et La Dernière Croisade, parce que que c'est un des meilleurs films d'aventure que j'ai jamais vu, parce j'ai qu'il y a parce que Harrison Ford est à son meilleur, on a aussi et maintenant j'oublie son nom et ça me Sean Connery. Voilà, Sean Connery, merci. Sean Connery à son meilleur, des scènes iconiques, voilà, c'est vraiment subjectif, hein, mais moi un top, c'est subjectif de toute manière. Mais pour moi, Indiana Jones, c'est une trilogie exceptionnelle. Mais ouais, rappelons que tu n'aimes pas le 4, comme beaucoup de monde, de toute façon, t'aimes pas le 4. Hein. Faudrait que je le revoie parce que ça fait longtemps que j'ai plus vu. Et moi, voilà. Faut que je les revoie. Moi, j'avais pas. Mais à l'époque, quand j'ai vu Indiana Jones, c'était l'époque où j'étais très assassin avec Spielberg. Donc, ça peut jouer aussi. Et j'avais aimé le 2. Faudrait que tu le revoies. Ouais. Mais le 2 est aussi exceptionnel. Enfin, voilà, ils sont tous exceptionnels. Le 2 il est bien. Moi, j'ai bien aimé. C'est dans celui-là avec quand ils sont à table et puis qu'ils mangent des. Ouais, ils mangent le cerveau de singe et après il enlève le cœur de. Enfin voilà. Voilà. Tellement de scènes iconiques dans toute cette trilogie. Voilà. Moi, j'adore Indiana Jones. C'est La Dernière Croisade, c'est mon film préféré Indiana Jones. Voilà. Très bien. Voilà, bon bah on a fait un top, c'était très difficile, très très difficile. On va, ah ouais, ouais, non, mais on, c'était 3 jours. On l'a dit, on l'a répété, mais on le répète encore, parce que c'était... Moi j'étais là en disant, mais attends, il y a Jurassic Park, faut que je le mette, ah mais non, mais il y a Minority Report que j'adore, ah là là. Ouais, Minority moi, Report, on n'a pas du tout parlé dessus, là. Moi si tu peux, j'ai pas mis... Enfin voilà, oui. j'ai pas mis La Couleur Pourpre, j'ai pas mis... Enfin voilà, il y a tellement de films, L'Empire du Soleil, des films un peu moins connus comme ça. Cheval de Guerre est pas mauvais non plus. Voilà, Cheval de Guerre... Enfin voilà, il y a énormément de films qui n'ont pas été dans le top et ça m'embête un peu. On va pas faire un top 30 non plus. Voilà, c'est ça. Faut bien choisir. De toute façon, ils sont tous numéro 1, et puis voilà, on s'en fiche. Là, pour le coup, c'est vraiment le fanboy. Ouais. Ils sont tous bien. Tous. Ouais, non, ça fait un peu fanboy, c'est vrai. Bon. Oui, parce qu'on a, quand même un peu de torpillé Lincoln. Hein. C'est un peu vrai. C'est même beaucoup vrai, d'ailleurs. voilà, on va finir cette émission. Voilà, on va passer à la fin. Donc voilà, on est à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir écouté cette dernière émission de l'année. On enregistre vraiment quelques jours avant le passage en 2016. Ouais. Donc déjà, bonne fête. On espère que vous avez eu de beaux cadeaux pour Noël. Du coup, voilà, et puis on vous fera un petit post sur Movies Nerd pour vous souhaiter encore la bonne année. Vous pouvez retrouver tous les liens d'ailleurs sur moviesnerd.net. C'est notre site où on poste tous nos podcasts, toutes nos critiques, etc. Donc voilà, c'est si vous voulez du cinéma, si vous voulez des critiques de cinéma, si vous voulez des podcasts sur le cinéma et des émissions, vidéo sur le cinéma, il y a tout sur moviesnerd.net. Morgan, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Eh bien sur Twitter @cinemorgan. Et sur Vodcaster @cinemaniac. D'accord. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, vous pouvez retrouver Movies Nerd sur les réseaux sociaux, donc movies_nerd sur Twitter, Facebook et Google+, aussi, c'est Movies Nerd tout court. Et voilà, et moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter et sur Sens Critique à TheLexal, donc T-H-E-L-E-X-A-L. Voilà, merci encore beaucoup d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission, je me perds mes mots là. Merci à Morgane d'avoir participé à l'émission, c'est la fin de l'année. Hein, c'est, Ah oui, oui. Merci à toi d'avoir participé. Il est sobre, donc imaginez dans un réveillon comment. Oh mon dieu! Bah, le truc, c'est que je bois pas d'alcool, alors ça risque pas de. Ah oui, bon, oui. Donc du coup, mais voilà, merci à toi d'avoir participé, merci à vous d'avoir écouté, et puis on vous souhaite une bonne fin d'année et une bonne année 2016 en avance. Ouais, et c'était le dernier podcast de l'année. Ouais. Et on se retrouve. Et ça fait un an, ça fait un an que je suis chez Movies Nerd maintenant. Pour le top en tout cas, 2014, ça fera un an. Voilà. J'étais en CDD, reste à savoir. On va avoir la réponse là tout de suite. Est-ce que mon contrat est renouvelé ou est-ce que. Ouais. Je suis en train de renouveler le CDD pour. On parlera des conditions tarifaires après. Ouais, mais... Voilà. Voilà, bonne année. Puis on se retrouve en janvier, à peu près milieu de mois, pour notre bilan de l'année 2015, où il y aura sûrement encore plein de surprises et vous retrouverez Eddie et Quentin avec nous. Voilà. Salut. Salut.